Et pour la suite de cette séquence de succès et de standards de nos artistes des îles, voici Révélation Jeunesse Tirivière, un groupe mauricien qui avait longtemps été le concurrent principal de Cassia dans les hit parades de la MBC Radio, parce qu'en face de Désiré François, il y avait au micro une très belle créature qui s'appelait Daniela Résidu. Et le groupe Révélation Jeunesse Tirivière. Et maintenant, Midi Zot tout surtout. Sur le coup de plus tard, sur Réunion Première Radio, qui mettent Pouzot, Exot, les musiques des îles en l'air. Bon réveil où que vous soyez, merci d'être à l'écoute de Réunion Première, il est 5h. Le journal est présenté par Florent Marot. Bonjour Florent. Bonjour Jackie, bonjour à tous. C'est l'événement foot de cette année 2016 et il est à suivre sur les chaînes premières. L'Euro en France démarre après-demain. Les Bleus affronteront la Roumanie en match d'ouverture. Dimitri Payet pourrait être titulaire. Le Réunionnais est en forme, comme le reste de l'équipe. De nombreux Réunionnais voient d'ailleurs la France aller loin dans cette compétition. C'est le cas de Guillaume Hoareau, l'ancien international qui joue aujourd'hui en Suisse, est en vacances dans l'île. On a une très très très belle équipe cette année et puis l'Euro est en France, donc il y a tous les ingrédients pour que ça se passe bien. Maintenant après, voilà, le foot n'est pas une science exacte, mais voilà, on a un très bon Dimitri Payet en ce moment, donc nous en tout cas à La Réunion, on peut compter sur lui. Le Gallais en forme en ce moment, on a fait une bonne saison, donc voilà, il a préparé la Ligue correctement et voilà, après c'est son mental, son expérience maintenant, je pense qu'il a une grosse carte à jouer pendant l'Euro, donc voilà. On a confiance en cette équipe, il pourrait aller loin? Ben, l'intérêt, parce que il y a un pays derrière eux, et puis comme j'ai dit, l'Euro est en France, donc évidemment, c'est beaucoup de pression, mais ils ont des joueurs qui sont aujourd'hui dans les plus grands clubs d'Europe, donc je pense que cette année, on peut y croire, ouais. Guillaume Hoareau, micro, réunion première de Priscilla et Thève, France-Roumanie, c'est donc ce vendredi à 23h en direct sur Mayotte Première. Dans le reste de l'actualité, la police lance un appel à témoins. Elle recherche le conducteur de la voiture qui a pris la fuite hier après un grave accident sur le boulevard Sud. Cela s'est passé vers 4h20. Le véhicule aurait percuté un scooter dans le sens nord-sud. La circulation a dû être interrompue. Bilan, 2 blessés gravement touchés. Si vous avez vu quelque chose, vous pouvez appeler le 02 62 90 75 25. Lui aussi est recherché par la police. Un jeune homme aurait mis le feu hier soir à une maison de la Bretagne à Saint-Denis. Selon la presse de ce matin, il aurait voulu se venger après une déception amoureuse. Il s'est alors rendu dans la chambre de son ex-copine avec du liquide inflammable avant de mettre le feu. Heureusement, pas de blessés, mais la jeune femme, choquée, a dû être évacuée vers le CHU. Il a été condamné à 5 ans de prison ferme. Cédric Kess a été reconnu coupable hier d'agression sexuelle. C'était le 11 janvier 2014 à Sainte-Marie. Ce soir-là, il a agressé Marie, qu'il avait invitée à boire un verre chez elle. Cédric Kess, qui n'en a pas fini avec la justice, il doit prochainement être jugé pour viol devant les assises. En attendant, il dort en prison. Direction la prison, justement à Demain-Jeau, où la tension n'est pas tout à fait retombée après la bagarre de ce lundi. 7 surveillantes étaient blessées dans ce que les syndicats qualifient de guet-apens. L'intersyndicale FO, CGT, UFAP, UNSA Justice appellent d'ailleurs un rassemblement des surveillants demain devant le centre pénitentiaire. Des surveillants qui réclament plus de sécurité. Les transporteurs, eux, sont toujours mobilisés devant Holcim-Macombé. Et ils pourraient durcir le mouvement aujourd'hui. Depuis hier, à l'appel de la FNTR, ces transporteurs dénoncent la suppression d'une vingtaine de camions sur la cinquantaine en rotation. Ce sont des emplois qui sont en jeu. Les transporteurs reprochent à Holcim de ne pas respecter un accord signé l'an dernier et pour l'instant, aucune rencontre n'est programmée. Les transporteurs pourraient ce matin bloquer la carrière centrale d'agrégat à Cambé. Toujours dans le bâtiment, la FRBTP va élire ce soir son président et le nouveau bureau. Bernard Sirieix est a priori le seul candidat. Il est arrivé hier au port. Le navire Le Tonnerre participe depuis le 3 mars à la mission Jeanne d'Arc, une mission de 5 mois comme formation pratique en situation réelle. 130 officiers élèves sont concernés et parmi eux des Réunionnais. Hier au port, des familles attendaient d'ailleurs ces Réunionnais qui font partie de l'équipage du Tonnerre. Le Tonnerre qui repartira le 13 juin prochain. Et puis l'épreuve de philosophie est prévue le 15 juin, dans une semaine exactement, vous l'avez compris. On parle du baccalauréat. 11 450 candidats passent l'examen cette année. En attendant, aujourd'hui et demain, place au BEP, le brevet d'études professionnelles. Ça commence à 10h. 70 centres d'examen sont prévus cette année. Bonne chance, en tout cas, à tous les candidats. C'est la fin de ce journal. Place maintenant à l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de France Info. Et on parle des intempéries dans l'Hexagone avec Camille Labrousse. Inquiétude dans le nord et l'est de la France, à leur tour balayée par les intempéries. De longs et violents orages ont fait une nouvelle victime dans le Pas-de-Calais. Un homme mort noyé dans sa voiture alors qu'il s'était engagé sur une route inondée. Dans le nord, les pompiers ont dû intervenir plus de 1000 fois en quelques heures. Enfin, dans le Bas-Rhin, des coulées de boue ont traversé des villages près de Strasbourg. Cette nuit, la vigilance orange aux orages est maintenue pour les 5 départements de Nord-Pas-de-Calais-Picardie et aux inondations pour 3 départements, l'Essonne, Rhône, l'Eure et la Seine-Maritime. La Belgique est elle aussi touchée par de violents orages. 6 cours d'eau des Flandres ont franchi leur pic d'alerte. Plusieurs stations de métro de Bruxelles ont été inondées. La facture se précise pour ces intempéries dans les zones sinistrées la semaine dernière. 900 millions d'euros à 1,4 milliard d'après les calculs de l'Association française de l'assurance. Près de 80 000 déclarations d'inondation ont déjà été déposées. La situation semble bloquée. À la SNCF, prévoyez aujourd'hui 6 TER et TGV sur 10 environ, 4 transiliens et intercités sur 10. Le projet d'accord proposé par la direction sur l'organisation du temps de travail ne convient toujours pas à FO et Sudrail, qui appellent donc à poursuivre le mouvement. Pas de directive en revanche de la part du premier syndicat, la CGT Cheminot, qui dit s'en remettre aux assemblées générales des salariés. Le début du procès des meurtriers d'Alexandre Ginka à Pau. 4 accusés comparaissent, 3 hommes et une femme. Et le trentenaire, principal suspect du meurtre, reconnaît avoir porté les coups de marteau mortels sur l'adolescent de 13 ans. La revanche de Jérôme Kerviel face à la Société Générale. Le Conseil des Prud'hommes de Paris a condamné la banque à verser 450 000 euros à son ancien trader pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse. La Société Générale va faire appel. De nouveaux témoignages dans l'affaire Boulin qui accréditent tous deux la thèse de l'assassinat. Le ministre du Travail, Robert Boulin, avait été retrouvé mort en 79 dans 50 cm d'eau dans la forêt de Rambouillet. La thèse du suicide a officiellement toujours été privilégiée jusqu'à ce que la justice rouvre le dossier en septembre. D'après une information France Info, elle bénéficie désormais du témoignage du premier médecin présent sur place qui conteste le suicide et d'un homme qui a croisé Robert Boulin dans sa voiture avec 2 individus. Un fief du groupe État islamique assiégé dans le nord de la Syrie à Minbej. La coalition arabo-kurde soutenue par les États-Unis cherche à couper un axe qui permet aux djihadistes de ravitailler leur bastion de Raqqa. Des milliers de civils fuient en ce moment la ville de Minbej. Le sprinteur français Jimmy Vico réalise la meilleure performance mondiale de l'année sur le 100 mètres, 9 secondes 86 au meeting de Montreuil. Il égale par la même occasion son propre record d'Europe et se montre en grande forme à 2 mois des Jeux Olympiques de Rio. La météo de votre mercredi, toujours des risques d'orage dans le nord-est du Nord-Pas-de-Calais à la Bourgogne, surtout en Alsace, en Lorraine et en Franche-Comté dans l'après-midi. Grand soleil partout ailleurs sur toute la côte atlantique, le centre et la Méditerranée. Les températures pour ce matin, 14 degrés à Amiens, 17 à Brest et Dijon, 21 à La Rochelle ainsi qu'à Strasbourg, 23 à Toulouse et jusqu'à 27 degrés à Nîmes. L'info revient à 5h30. Bonjour La Réunion, il est 5h08 à 4h30 ce matin, 21 degrés à Langevin, super temps, ciel clair, étoilé. Toutes les conditions sont réunies pour bien rouler, nous dit Guylaine ce matin. Une belle journée à tout le monde, à toutes celles et ceux qui prennent la route ce matin, avec un bon choix musical. Elle a apprécié les chansons de Dédé Maurice. Alors en ce qui concerne la météo pour aujourd'hui, le petit front froid qui a laissé quelques bonnes averses dans l'ouest et le sud. Alors ce front froid, il s'éloigne. La masse d'air s'assèche nettement à l'arrière, avec une journée de mercredi qui promet donc une belle embellie dans le sud. Et puis on reste malgré tout sous la menace de brèves averses en début de journée à l'étang Salé, à Sainte-Rose également, mais elles sont vraiment rares. Donc s'il pleut, prudence sur la route ce matin. Cet après-midi, des nuages qui se concentrent principalement sur les montagnes du nord et de l'ouest et vont glisser ensuite sur les bordures côtières de Sainte-Suzanne jusqu'au port, avec un beau temps dans les cirques et au volcan. Le vent, alors il souffle aujourd'hui à une vitesse de 70 km/h. Il se renforce par rapport au jour précédent. Il souffle à la pointe de Trois Bassins, 60 km/h à Saint-Benoît. Une petite brise à Saint-Denis. Vous êtes perdus, car vos chefs sont aveugles. C'est aillé ça? C'est qui le chef là-bas? Le chef. Ta vie est sans mouvement. Qui réveille la réunion? Ah, le bras cassé, les pieux cassés. Aïe maman, Jacques Irvel. Grand matin, c'est ça. Sur Réunion Première. Ben oui. Ah bon, effectivement. Ah ben oui. Non, je ne suis pas sur le micro, je suis sur un téléphone parce que l'appareil ne marche pas bien. C'est un scandale. Jacques Irvel, la Réunion. We'll be right back. grand pays, mes espèces, à toutes les biens, ce mercredi, fin arrive dans le milieu de la semaine, bon courage, pour ça que ça travaille, imagination, et jolie pensée aussi, plutôt de ça qui retravaille. Aujourd'hui, nous fêtons les Armands, Armand de Médéric et Prune, quel beau prénom, Prune. Alors, cette information importante, sachez qu'aujourd'hui, à partir de 8h30, et ce jusqu'à 11h15, il va y avoir une coupure de courant dans tout le cirque de Sillaos. Vous êtes prévenus, on y reviendra donc dans les communiqués un peu plus tard à 6h50. Donc, je vous le dis dès maintenant, puisque j'ai l'information, 8h30, 11h15, coupure de courant à Sillaos sur l'ensemble de la commune, du cirque, de la ville. Hein ? Alors, il y a Yannick qui nous signale un ballet d'hélico. On est réveillé à Dodan avec le son mélodieux des hélices d'un hélicoptère, ou du moins du moteur également. Des hélicos qui balayent, qui remontent la rivière des Galets. À mon avis, mon cher Yannick, c'est pas pour votre bouche ronde, hein. Bon réveil avec la première, la route, avec vous, 02 62 99 2000. Alors priorité à l'information routière, bien sûr, si vous êtes témoin d'une anomalie sur le réseau routier, vous n'hésitez pas, vous nous appelez, 02 62 99 2000. Nous irons au Chaudron ce matin avec Prisca au marché forain à partir, alors ce sera aux alentours de 5h45 sur Réunion Première. Et puis le prochain rendez-vous, donc 6h20, comme chaque matin. 02 62 99 2000, on va tout de suite vous rejoindre au standard de la première. On va baisser un petit peu la radio. Ah là, nous l'arrivée, nous les là, nous les côtés où nous là. Ah, ou même ça, bonjour. Bonjour. Comment il est? Ah, il est pas facile, Jacques, moi. Ah, ben c'est ça. Ben okay. Oui. Je suis pas content. Alors, qu'est-ce arrivé? Ah, ben mes gars, dans le télé, Jacques réveille la réunion. Il y a passe le soir, je pense qu'il fait pas d'or la réunion tout le temps. Ben non, ben, il a dit Jacques réveille la réunion. Jacques, il fait d'or la réunion aussi. Ah, ben moi, la vieille, moi, il y a 60 000, là, il est baisé. Parti, là, il faut que la place banane, t'as vu, ben on va caquer les couillons. Mais là, il est parti chez moi, il va rouler. C'est bon, hein? Non, mais les gars, il est partout. Quand on calcule, moi, il est pareil, il faut être de la montagne, non? Ouais, quand on calcule, moi, les Saint-Pierre. Moi, finalement, les Saint-Denis. Là, ma vie, on t'est gagné, vraiment. Ah, ben, ils essaient de mettre ensemble, frère. Ça pour notre pays. Même ça, nous fait ça pour nous-mêmes, hein, qu'on est. Sûrement, ouais, essayez d'ajouter un petit romarin, je sais pas comment, parce qu'on dirait qu'il a travaillé un petit peu, ça fait là. Non, ben, romarin a fait la VP et de l'eau l'a coupé. Ah, d'accord. Ça, Tino, ça, Saint-André, comment il est? Tino, ah, il y a un petit peu, madame, je me dis, je m'appelle Ali, parce que là, peut-être, il a cassé les affaires, mais non, on me dit qu'on est remède, tout ça, recette grand-mère, Donald, il a dit quoi, il dit que ça va prendre. Mais bon, les gars, voyez-moi, mais ça, dites, Zaki, bon courage, l'affaire. Ah, moi, il me dit bon courage, chez tous les gars, ben écoute, les gars, il a fait l'accident, et puis. Ah, bien sûr, non, mais tout à fait, nous les machins, mais seulement, voilà, quoi. Un coup de saisissement, un coup de romarin, on arrange, allez, ce week-end, n'inquiète pas où. Ouais, maintenant, il est trempé, maintenant, le matin, l'après-midi, normalement, il est bon, il se couille, il est passé, non hein, comment il boit ça avec la bouche? Mais avant, parce que je suis où, je bois avec la boule, ben là, quand c'est le rentre, oui. Ah oui, non, il prend le casserole, il boit directement, comme ça, dedans, pas bon. Bien, comme ça, la fille fait le petit tournée grand matin, là, quoi. Hein? Il fait la tournée grand matin, Midiao? Je n'ai pas compris. Est-ce que vous faites la tournée ce matin? Oui. Oui, il fait la tournée, quel côté, là? Brapanon. Brapanon, d'accord, tout se passe bien? Oui, impeccable, il y a un beau temps, il y en a satisfait, il fait un petit peu, c'est bon, quoi. Ouais, ouais, ouais, deux mounes, pas trop en couillon sur la route, ça va? Oui, il est là pour l'instant, encore un peu calme, pas de circulation, ça va, ça va. D'accord, bien. Est-ce qu'aujourd'hui c'est une journée particulière ou bien on l'appelle à moins juste pour les saisir? Ah non, on m'appelle là-haut parce que ben, la particularité de la journée, c'est que ben, on était content d'avoir un petit coup hier soir, mais seulement, à quoi je peux être dans d'autres circonstances, on était bien hier soir, hein, pour faire un petit peu la bouche, hein, mais là, il y a un sol d'escalier, c'est ben, pas facile. Ça n'a pas été, c'était, après, on dit mais d'un numéro de téléphone directeur? Mais d'un numéro de téléphone directeur ou appel à Ali? Ah, ben, maman, vie, moi, envie, t'es. Hein, laisse-moi passer, lui, pas soi, lui, directement, lui, négocier papa par téléphone, mais j'ai été. Alors, après, maman, là, le bon, là, le sale. Bien, ben, écoute, belle journée à vous, belle journée, bonne collègue, là, aussi, d'hier. Et puis, ben, voilà, d'ailleurs, journée, nous passons dans le coin, et puis, nous, tout est parti. Et puis, un bonjour, toute bonne ripée à la réunion, bon courage à Zot, c'est pas facile, Zot travaille, mais nous, tiens, bon, là, parfois. Super, Tino. Hein? Eh. Allez. Attends, là-haut, attends, là-haut. Oui. Si je me dis au mot qui est allé comme un bahamine, ou détourne mon boule maï. Ça y veut dire au gazon mangé là. Ça y veut dire au gazon mangé là, il est difficile pour gagner ça. Un bahamine pour dire. Ah, applique, ça va, applique par rien à faire comme si. Pour bataille. Ah, eh. Là, il Là, là, mais j'ai avec bonnes lois, bonnes affaires comme ça, là, on connaît bien chez vous, avancer, reculer, passer côté, passer dans le coin, passer dans le bord, ouais, me donner du valet dans le pied, mais ben, c'est ça. Allons avancer, frère. Allons, allons doucement, mais nous, légèrement. Nous, ça va. Allons. Merci, Tino. Allez, passe dans le coin, bonne journée à tous. Allez, bonne journée, le frère. Et voilà, ça se passe comme ça sur Réunion Première tous les matins, 02 62 99 2000 avec Zot. Reprise, Daniel Warraud, René Lacaille, Baramine sur la première. Bon réveil. Figuez aller comme un baramine, au détour mon boule maïs. Ce soir, mis à tirer la mine de Simon, plat moins la pointe carré. Ma dame la rôde d'un fait noir, n'a pas trouvé mon aïe d'un fait noir. Papa vit ma maille d'un fait noir, ça t'est pour plaire d'un fait noir. Mon petit cal d'un bidonville, dans le carreau galé qui est saignant. Mais pour quand tu gagnes pas la bile, si un jour tu bat carré devant. Quand tu cales dans le bidonville, dans le carreau galé qui est saignant. Mais pour quand tu gagnes pas la bile, si un jour tu bat carré devant. Quand si t'écoules pas tes gaillards, mon premier garçon dit les noirs. Kafa ou yaba ou un malba, nous les mal on va arrêter mon noir. Encore si t'écoules pas tes gaillards, mon premier garçon dit les noirs. Kafa ou yaba ou un malba, nous les mal on va arrêter mon noir. Bien lui ça va la zol, mais ce moment n'a son fantôme. Par des y'a dessous un feuilletol, comme on brise de fait les couverts la sonne. Oh dame, bien lui ça va la zol, mais ce moment n'a son fantôme. Par des y'a dessous un feuilletol, comme on brise de fait les couverts la sonne. Quand ça m'a mis boire pile rond, mi gagne pas tes poteaux bout de piton. Vive pile la misère un peu non, mi envoie sans enfant, mi piton. Roulez! Comme ça, ça, donc! C'est Daniel Warraud, c'est Daniel Warraud. Ça repérer dans le feu noir. Oh madame la rodée dans le feu noir. T'as pas tout va mon aide dans le feu noir. On t'a dit maman dans le feu noir. Ça t'est repéré dans le feu noir. Oh madame la rodée dans le feu noir. T'as pas tout va mon aide dans le feu noir. On t'a dit maman dans le feu noir. Ça t'est repéré dans le feu noir. Mais qu'est-ce que c'est bon de se réveiller au son de la musique sur Réunion Première et le meilleur, s'il vous plaît. Salut la Réunion qui se lève de bonne heure également pour écouter l'arrivée des courses. Alors voici l'arrivée du quintet sur Réunion Première, le 3, le 4, le 13, le 14 et le 8. Ça c'est pour hier. Il y avait un non partant, le 9 était non partant. Donc l'arrivée du quintet, le 3, le 4, le 13, le 14 et le 8. Non partant le 9, le numéro plus, c'est le 09 64. Aujourd'hui, c'est l'hippodrome de Laval qui nous intéresse. Bien évidemment, je vous donnerai les pronostics en amont. Alors, la course prendra son départ à 15h47 en attelé, 18 partants. Et le départ est prévu donc cet après-midi, aux alentours de 4h moins le quart. Montant d'un tirelire, 4 900 000 euros. À 6h50, je vous donnerai les pronostics de Pascal Maillot et du Fouineur du Gire. Et en ce qui concerne l'euro-million, puisque chaque mardi il y a un tirage, il fallait miser sur le 19, le 26, le 35, le 45 et le 49. Les numéros étoiles, le 2 et le 5. Voilà donc pour la course du jour à 6h50 pour les pronostics. Et l'arrivée de la course, ce sera cet après-midi, juste après le journal de 16h. Pour que le jeu reste un plaisir, jouons responsable. Le rappel des courses sur www.lapremière.fr. Première. Have you seen my dog mommy? L'énigme. J'ai bugué. 15h, 18h. Ouais, ouais, bébé poulet. Le 15-18. Du lundi au vendredi. Tous les après-midi. Ça se passe comme ça. Isabelle Waraud, Mickaël Lorette. Sur Rayon Première. L'énigme. Tous les après-midi dans le 15-18 avec Isabelle Waraud et Mickaël Lorette. Alors, cet après-midi, il y aura gagné des places de ciné pour aller voir Warcraft, le commencement au cinéma avec les salles partenaires. Et puis sachez que si vous jouez avec Isabelle et Mickaël, et bien chaque après-midi, vous êtes sélectionné pour un tirage au sort pour gagner une nuit d'hôtel. Eh ben oui, ça se passe comme ça sur Réunion Première. Le 02 62 99 2000, le matin, le midi et l'après-midi, dans le 15-18, avec Isabelle et Mickaël sur Réunion Première. 02 62 99 2000 pour joindre le standard de la première ce matin. On fait la route ensemble et on vous rejoint tout de suite. Réunion Première, bonjour. Bonjour, Jackie. Allô, bonjour, comment ça va? Les larmes. Ben ça va bien, mais si. Alors, comment y annoncer un peu cette journée de mercredi? Comme tous les jours de la semaine, Jackie, en pleine forme. Ah, bien, bien, bien. Il fait plaisir d'entendre Domoun dire ça. Parce que les naïdités, le lundi, il est difficile. Le mercredi, il est plus difficile. Ça qui vient, c'est le vendredi, gaillard. Ah, yeah. Moi, du lundi au vendredi, c'est même pareil. Faut pas dire du lundi au dimanche. Du lundi au dimanche, c'est pareil? Toujours pareil. Du 1er janvier au 31 décembre, toujours pareil. Alors, mais reprends nos affaires dans un autre sens à cette heure. Est-ce que du 1er du mois et du 31 du mois, elle est pareil? Toujours. Ah bon, les pleins alors? Hein? Il veut dire tu crétines, non, le truc. Non, la vie de travail, c'est la santé. Ah, qui ça dit ça? Ah, mais il connaît pas, mais tout le temps, il dit le travail, c'est la santé. Le bougle a dit ça, là, à mon avis. Ali, doit assise, il boit un café. Il ne connaît pas. Non, mais en même temps, qu'il travaille, tant qu'il est en pleine forme. Heureusement, nous n'en avons ça aussi, hein, frère, il dit au moins. Comme ça. Voilà, vie, comment ça va, là. Et après, du moment où il faut travailler avec plaisir, où il est content levé pour aller. Voilà, quand il faut travailler avec amour, avec passion, là, ben, ça se passe bien. Où arrive sur le lieu de travail, les collègues, les souriants, les de bonne humeur. Voilà. Ici, haute main, garde dans les yeux. Ah, là, il est sans moi, je m'en fais une déclaration, pas bon. ouais. Alors, où c'est où, là? C'est la moitié de mais ça a décollé pour descendre sur Rivière des Galets. Ouais, descendre sur Rivière des Galets, où l'on entendu un peu l'hélicoptère en là-bas ou pas? On n'a pas entendu. Non, mais t'es l'autre côté, en fait. T'es dodane dessus, d'autres hauteurs par là-bas, se manquer à croiser. Yannick l'a appelé à nous, dis-nous comme ça, là, dans l'hélicoptère, il remonte la rivière des Galets, là. Ah, ben là, on n'y peut pas, parce que là, moi, encore trop bassin, mais ça a décollé. Oui. Donc, peut-être qu'on y arrive en bas, on aura l'occasion de voir, allez. Oui, peut-être, ou sinon, tu vois, pas aller les bons chiens, connais, où ça va travailler. On ne veut pas faire d'hiver encore, hein. Qu'est-ce que tu dis où? J'ai arrêté que ça, donc... Ah, ben, ça. Donc, bah, ça, les bon, le temps de dégager, là, moi, les échevales. N'a pas un petit peu plus de frais. Je suis là depuis quelques temps, là-haut, là. Non, c'est une impression. Ben, ce matin, il fait 14 degrés. 14 degrés, ça va, c'est bien. Ça va, elle est pas... On a une petite fraîcheur, mais elle n'est pas encore bien, bien frais. D'accord. À où donc là, trois bassins, direction la rivière des Galeries. Qu'est-ce que ça fait par là-bas? C'est après, il prend le camion, il monte jusqu'à Saint-Denis. Il y a les trois petites livraisons cette année, il redescend. Il y a à redescendre jusqu'à quelle heure travaille aujourd'hui? Aujourd'hui, jusqu'à 3h30, tranquillement. Et on connaît que où? Attendez un coup là. Yannick a dit comme ça, là, seulement, que j'ai la boîte et la chapée. Montez un coup là. Elle se manque Banatan Road, à l'île rivière et la rivière des Galets, ben. Allez, c'est Aïe, là. Bob l'oublie, à porte ouverte encore. Que... Ça, Bob, ça, ben, à l'idée, Nico, il a oublié les affaires. Là, ça, dit encore notre système, encore là. Le doyen. On a une petite idée qui c'est, le doyen. Le doyen. Eh, mais il connaît bon le doyen, mais là, là. C'est notre histoire, ça, c'est notre affaire, ça. Bon, Ougui, écoute, à l'île, tout à l'heure, c'était à moins 5. Toujours, Zaki, ça rate pas ça. Ça rate pas ça. Il écoute Ali, il y a tonne, s'il faut sortir d'un camion, il y a 6, il écoute Ali, après il sort d'un camion. Mais patron, là, ça sera pas bon sans mon frère. Non, mais il me dit non, faut pas aller vite. Ouais, faut nous apprécier les affaires. Bien sûr, faut écouter les affaires. Mais après, quand on a dit écoute les affaires, on a même une poussée, si t'es dangereux, tu les affaires. Où ça, c'est ça? Qui ça la tête, les frites, pour une affaire comment? Comme ça, c'est écoute, bonne camarade, ça, ben, TB. Ah, les dangereux, les affaires. Ah, bon, alors, manque pas les ordi, t'es fan, hein? Manque pas les ordi, ça fait pas la tête, c'est là. Bon, allez, on l'est. J'ai ta boîte, les affaires, là. T'es fan grave, m'a dit, oui. Non, mais à moi, je connais pas, moi, c'est Yannick qui donne nous cette information, là, maintenant. Si Yannick appelle pas, si c'est Gilles, la boîte, là, en cavale, là. Nous l'appelle grave, m'a dit. Et bon, on appelle Ali ensemble. À bientôt, frère. Quand on m'a dit qu'il fait un affaire, pour ça. Monsieur Krishna Moutoulingam, pour les cousins, m'a dit, tu fais à côté. À la ligne. Ah, c'est pas moi. Bien sûr, bien sûr. À bientôt, le frère. Bon courage. Hein. Un gros coucou, bonne route chez là. Oui. Yannick, n'a croisé, on est allé sur la route. Eh ben, elle est bon, super. Un petit coup de personne quand il passe. La mi-pensée direction Sainte-Marie. Retour, peut-être retour, on a croisé, nous. On va à l'aller. Belle journée. Merci Jackie, aussi pareil. À bientôt d'allons, Stéphane. Allez, salut. La Réunion, nous les là même. Mon pays, comment il est? La Réunion, ça même m'y aime. Parle pas moins, allez, m'y verrête la même. Un peu de respect pour mon pays. Vraiment, la pointe de plus joli bout. La terre dans le paradis, pour comprendre, faut voir deux mots de mon pays. Moi, m'y vais balade tous les jours, là-haut dans la forêt Bébourg. Et aussi d'Isali tous les jours, mon bandalon dans la cour. Comme est là vraiment la ville est dure, même au travail, toutes les passions. Mais pour mon maman, il m'y assure, ma bataille sans demi-mesure. La Réunion, nous l'est la même. Mon pays, comment il est? La Réunion, ça même m'y aime. Parle pas moins, allez, m'y verrête la même. Un peu de respect pour mon pays. Vraiment d'un point depuis joli bout. La terre dans le paradis. Faut comprendre, faut voir deux mots de mon pays. La Réunion, nous l'est la même. Mon pays, comment il est? La Réunion, ça même m'y aime. Parle pas moins, allez, m'y verrête la même. Un peu de respect pour mon pays. Vraiment d'un point depuis joli bout. La terre dans le paradis. Pour comprendre, faut voir deux mots de mon pays. Quand moi t'es coincé en France, rien que ça même moi dépense. A voir Gilo, retrouve mon maman. Rien que la même mot qui a des danses. Derrière elle, est dans la montagne. Il y a le soleil à crosse, fait pis barrer. Comme si la nature te connaît. À la paradis pour nous rester. Mais la Réunion, nous l'est la même. Mon pays, comment il est? La Réunion, ça même m'y aime. Parle pas moins, allez, m'y verrête la même. Un peu de respect pour mon pays. Vraiment d'un point depuis joli bout. La terre d'un paradis. Pour comprendre, faut voir de monde mon pays. La Réunion, nous l'est la même. Mon pays, comment il est? La Réunion. Jeff Gang, il parle de la Réunion dans cette magnifique chanson qui porte le même nom. 5h30 à la Réunion, justement, l'essentiel de l'actualité locale. Florent Marot, bonjour. Bonjour Jackie, bonjour à tous. La police est toujours à la recherche de la voiture qui a pris la fuite hier après ce grave accident sur le boulevard Sud. Un appel à témoins a été lancé. Le véhicule aurait percuté un scooter dans le sens nord-sud. La circulation a dû être interrompue. Bilan, 2 blessés gravement touchés. Si vous avez vu quelque chose, vous pouvez appeler le 02 62 90 75 25. Lui aussi est recherché par la police. Un jeune homme aurait mis le feu hier soir à une maison de la Bretagne à Saint-Denis. Selon la presse écrite de ce matin, il aurait voulu se venger après une déception amoureuse. Il s'est alors rendu dans la chambre de son ex-copine avec du liquide inflammable, de l'alcool à brûler, avant de mettre le feu. Heureusement, pas de blessés, mais la jeune femme choquée a dû être évacuée vers le CHU. 5 ans de prison ferme, c'est la peine prononcée hier à l'encontre de Cédric Kess. Il a été reconnu coupable d'agression sexuelle. C'était en 2014 à Sainte-Marie. Ce soir-là, il a agressé une jeune femme qu'il avait invitée à boire un verre chez elle. Cédric Kess, qui n'en a pas fini avec la justice, il doit prochainement être jugé pour viol devant les assises. En attendant, il dort en prison. Direction la prison, justement à Domingueau, où la tension n'est pas tout à fait retombée après la bagarre de ce lundi. 7 surveillantes étaient blessées dans ce que les syndicats qualifient de guet-apens. L'intersyndicale FO-CGT UFAP UNSA Justice appelle d'ailleurs un rassemblement des surveillants demain devant le centre pénitentiaire. Les transporteurs, eux, sont toujours mobilisés devant Olcim-Macombé. Et oui, ils pourraient durcir le mouvement aujourd'hui. Depuis hier, à l'appel de la FNTR, ces transporteurs dénoncent la suppression d'une vingtaine de camions sur la cinquantaine en rotation. Ce sont des emplois qui sont en jeu. Les transporteurs reprochent à Holcim de ne pas respecter un accord signé l'an dernier. Les transporteurs pourraient ce matin bloquer Cambé. Il est arrivé hier au port. Le navire Le Tonnerre participe depuis le 3 mars à la mission Jeanne d'Arc. Une mission de 5 mois pour une formation pratique en situation réelle. 130 officiers élèves sont concernés, parmi eux des Réunionnais. Hier au port, plusieurs familles attendaient d'ailleurs un fils, un frère ou un cousin. Le Tonnerre qui repartira le 13 juin prochain. Bonne chance à l'équipe de France. L'Euro de foot démarre après-demain. Les Bleus affronteront la Roumanie en match de l'ouverture. Dimitri Payet pourrait être titulaire. Guillaume Moirot y croit en tout cas. L'ancien international est en vacances dans l'île. France-Roumanie, c'est donc ce vendredi à 23h en direct sur Mayotte Première. Florent Marot. L'info revient à 6h. Guylaine nous confirme du beau temps dans le sud. Stéphane l'a dit, le temps est bon du côté de Trois-Bassins avec 14 degrés ce matin. Un temps agréable à Brapanon. Salut Tino. Alors on est toujours après le passage de ce petit front froid qui a laissé de bonnes averses quand même dans le sud et dans l'ouest. Pour aujourd'hui, on va avoir un temps plus sec la journée de mercredi qui promet donc d'être assez belle. On reste malgré sous la menace de quelques brèves averses en début de journée. Les temps salés à Saint-Trois également. Et puis cet après-midi, des nuages qui vont se concentrer principalement dans les hauteurs, en montagne, dans les hauteurs de l'ouest, et glisser ensuite alors vers le littoral de Sainte-Suzanne, jusqu'au port, beau temps également dans les cirques et au volcan pour cet après-midi. Le vent il souffle à une vitesse de 70 km/h, il se renforce. Hein. Et puis on a de la houle jusqu'à 2 mètres pour les vagues en moyenne, donc prudence en bord de mer. Réunion Première. Bonjour aux autres tous. Bonjour cousin, mais ce matin t'es déjà pour lever. Hein. Ah, il fait trop frais. On a une chanson d'Avi de Saman, il dit faut béquer. Là. Il a des roues comme ça, du sud et collé dans le fond. Hein. À un moment, il est collé dans l'île le matin, là, mais il faut lever pour les travails. Là. Comme des chics dans le fond de tasse. Oh, dans l'île, moi, les collés. Tati, bonjour. Comment il est? On connaît à moi encore. Je suis aussi du côté de la basse, ça doit être dans le sud. Donc, un petit bonjour à cette dame, mais un petit bonjour à tous les routiers qui écoutent à nous le matin, qui écoutent Réunion Premier le matin. Spartiate! Il faut donner pour aller. Allez, n'est pas là pour causer. Il faut donner pour aller. Moi, là, pour gagner mon manger. Il faut donner pour aller. N'est pas là pour causer. Il faut donner pour aller. Chacouiller, faut béquer. Et nous becs ensemble jusqu'à 8h pour la matinale avec toute l'équipe dans 10 minutes. Prisca va amener à Nouma chez Forain Chaudron. Salut tous les forains du Chaudron. Donc rendez-vous dans 10 minutes avec Prisca. On va saluer Dany de Pichette. Bonjour Jackie, 17 degrés, ciel dégagé, de tout nuage sauf deux hélicos. On vous en parle depuis ce matin, deux hélicoptères faisant l'aller-retour entre la rivière des Galets et la baie de Saint-Paul depuis 4h du matin. Bonne journée à tous. Merci Dany. pour ce message. 06 92 608 335. Bonjour à Edith des Avirons. Il pleut, 18 degrés, il pleut aux Avirons alors. Donc 18 degrés, fait un coucou à son chéri d'amour Guy de Saint-Jean, à sa nièce qui s'appelle Léane, Sabine du Chaudron, Josie de la petite île d'Agneau, à tous les fidèles ainsi qu'à toute l'équipe de Réunion Première. Gros bisous. Et embrasse à Guylaine, m'a bien reçu ce message. Merci, un grand bonjour également à Adrien ce matin. Donc vos messages, 06 92 608 335, le direct 02 62 99 2000. Et puis je vois que vous êtes nombreux également à communiquer via les réseaux sociaux, c'est Jackie Revel sur Facebook. N'hésitez pas, les amis. Lento, Daniel Santa Cruz sur la première. Bon réveil. Siquiera un momento, no quiero perder el tiempo. Tú sabes que te quiero a morir, que no soy de aspavientos, que me gusta el lento. Ay, llévame despacio, que no hay prisa, voy dejando en mi camisa una ruta de besos que me lleve al mismo cielo. Ay, sin miedo, con malicia, lléname de tu sonrisa el corazón, al ritmo de tu cuerpo. Lento, bailame lento, así con todo sentimiento. Ven, camenina, no me dejes ir. Lento, cierra los ojos y vivamos el momento. Baila conmigo hasta que dueña de mí, yo me pierdo en tu cuerpo, tú me quemas con tu fuego. En tu cintura quiero vivir, respirar de tu aliento, que me beses lento. Ahí llévame despacio, que no hay prisa, me dejando en mi camisa una ruta de besos, me lleve al mismo cielo. Ay, pégate sin miedo, con malicia, lléname de tu sonrisa el corazón, al ritmo de tu cuerpo. Lento, bailame lento, así con todo sentimiento. Ven, camenina, no me dejes ir. Lento, cierra los a salir el sol, los dos en un solo. Première. Bonjour à toutes. Ta beauté, laisse pas nous causer comme elle a ôté. Elle a besoin d'exprimer, laisse pas nous causer. Donc elle a fini de saigner, laisse pas nous causer. Pour toi dans sa virée, laisse pas nous causer. Nous enfants la réunion. Laisse pas nous causer, donne à nous en massif trop, laisse pas nous causer. Coutier nous demande des efforts, laisse pas nous causer. Cabala nous a fait dehors, laisse pas nous causer. Nous enfants la réunion. Coutier, Melana et Loalela. Côté, même pas les bailler, nous n'a plus le droit. Comme elle a la filmette et loi. Toutes autres mensongeries, laisse pas nous causer. Toutes autres macoteries, laisse pas nous causer. Tout pays la peau pourrie, laisse pas nous causer. Il manque à l'île la vie, laisse pas nous causer. À nos enfants la réunion. Côté, nous la fin fatiguée, laisse pas nous causer. Elle soit la révoltée si laisse pas nous causer. Nous les traumatiser, laisse pas nous causer. Nous trop conditionnés, laisse pas nous causer. Nos enfants la réunion. Laisse à nous tes vives, tes notre liberté. Nous l'a pas volé, nous l'a mérité. Côté, laisse à nous tranquille, t'es sans nous causer. Ça t'est nous tracé, calisé. Et donne à nous un place pour dire parole. Arrête, dis-nous les pas capables. Et à nous rase pas nous-mêmes, nous les pas plus molles. Nous te sommes à nous-mêmes, Mitra. Coq Velay qui revient cette année avec cet album Laisse pas nous causer, un Gaïa, l'album n'a 15 mots ce défi, vous fait vibre à nous, vous fait danse à nous, vous fait imagine à nous, vous fait réagir à nous aussi, hein, parce que l'album il appelle quand même Laisse pas nous causer, à cause il laisse pas nous causer, laisse à nous causer, t'es comment il est la réunion, 5h42 minutes, dans 3 minutes, direction le marché forain du Chaudron avec Prisca, on va saluer Véro, salut Véro, comment il est Véro, il pleut des cordes sur Petite Île ce matin, mais il faut aller travailler, Véro, ben bon courage, et dis bisous tout le monde, envoyez un bisou tout le monde, ma fille n'a bon père, envoyez, hein. Belle journée, bon courage à vous sous la pluie, donc à Petite Île, merci pour l'info, on va saluer également Willy Saint-Paul, comment il est. Continuez comme ça, bonne journée tout le monde, tiens, bonne lag pas. Et puis un gros bisou à Aline de Saint-André qui écoute Réunion Première à la maison ce matin, que du bonheur. Merci ma chère Aline de Saint-André, bonjour à Saint-André. Salut toute bonne routier également sur la route ce matin, salut toute bonne ripper, bonnes ambulanciers, bonnes infirmiers. Bon courage, tout le monde lève grand matin pour aller travailler, ça nettoie les bureaux aussi, hein. N'a bon paix. Allez, quel que soit le corps de métier dans lequel vous êtes, beaucoup de courage dans cette journée de mercredi, surtout soyez prudents sur le réseau routier. J'ai le plaisir de vous accompagner avec toute l'équipe de la matinale jusqu'à 8h, donc, dont Prisca. Hein, et Prisca, on va la rejoindre au marché forain du Chaudron. A tout de suite. Première. Le nouveau musée Stella Matutina fête ses 1 an le 12 juin de 9h30 à 17h30. Au programme, visite du musée, dégustation de jus de canne et de produits locaux, balade en charrette bœuf, atelier ludique et pédagogique, visite commentée du jardin et photos souvenirs. Venez nombreux découvrir ou redécouvrir le nouveau musée Stella Matutina à l'occasion de son premier anniversaire le 12 juin. Pour cette occasion exceptionnelle, l'entrée sera gratuite. Retrouvez le programme complet sur www.museereunion.re. Réunion des musées régionaux. Nos musées méritent qu'on s'y attache. Première. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Et nos marchés aussi méritent qu'on s'y attache. Bonjour Prisca. Bonjour Jackie, bienvenue au Chaudron, l'un des plus grands marchés de la Réunion, puisque le marché du Chaudron, c'est le mercredi et le dimanche. J'ai croisé, vous savez, en arrivant, notre belle Monique, qui vend le bread coup de pète. Vous connaissez quoi ça, Jackie? Le bread coup de pète. Oui, alors c'est le bread métis. Ah oui, mais, oui, oui. Oui, parce qu'en fait, Manaï dit comme ça quand on mange, là, après, il y a une espèce de bizarre qui se sent. Mais bon, c'est très bon, en tout cas, très très bon pour la santé, hein, le bread meaty. Il y en a en ce moment, donc arrive bonheur, hein, comme dirait Marie-Ange et Muriel. Parce que quand on arrive tôt sur les marchés, bah, on peut profiter des meilleurs produits, c'est ça? Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour, c'est Muriel. Bonjour Marie-Ange. Bonjour. Alors vous êtes des fleuristes amateurs, vous êtes là pour préparer un mariage. Qui fait se marier? Le frère Muriel. Le frère Muriel, comment il s'appelle? Johan. Eh ben, nous l'ai pas invité, donc. Jackie, prépare autre costume, trois pièces. L'enveloppe aussi, l'enveloppe. Ah oui, prépare l'enveloppe. Alors, demande un petit coup, Muriel, s'il veut me mettre un, comment il appelle ça? Un lot vers la pâte. Ou bien s'il préfère l'enveloppe. Ah, un quoi? Un lot de vers la pâte. Ah, d'accord. Alors, est-ce que vous préférez que l'équipe de Réunion Première amène un lot de vers la pâte? Ou sinon, une enveloppe? On fait passer l'enveloppe dans toute la station. Bon, c'est quand le mariage? C'est vendredi. Et vendredi, c'est bientôt, hein. Jackie, on a le temps pour les rodés de costume. Eh ben, mal les rodés. Sinon, on va mettre mon linge de la communion, chez moi. Ah, le linge de la communion, il passe aussi? Oui. Ouais, c'est bon, c'est bon. Muriel l'a dit, il est bon. Alors, les filles, là, je vous vois avec votre petit projecteur. Vous êtes en train de choisir les fleurs. Quelles fleurs? Ben là, on a choisi les orchidées. Ouais. Quoi encore? Les frésias. Les roses, et surtout les roses. Ah, et qui c'est qui va faire le bouquet? Ah ben c'est ma belle-mère. Oui. C'est Marie-Ange. Combien de bouquets on a pour faire là? 25. D'accord. Donc on va commencer à quelle heure là, tout à l'heure? Le bouquet de la mariée. Ah oui, le bouquet de la mariée, il y aura quoi comme fleur dans le bouquet de la mariée? Des roses, des orchidées surtout. Oui. C'est vous qui allez le faire? Oui. Bon allez, bon courage, hein. On va pas les retenir plus longtemps parce que voilà, on a travail. Hein. Donc combien d'invités il y aura là vendredi? Ben 200. Ouais, donc rajoutez 400, puisque toute l'équipe de Réunion Première, on va y passer, c'est ça? D'accord. Vers quelle heure? Ben, le mariage, c'est à 15h à la mairie. On a la salle ou pas? Parce que sinon, oui, on fait Réunion Première, hein, hein, Jackie, hein. Nous fait un mariage là-bas à la radio. Oui, il est bon, on va venir là-bas chez Réunion Première. Bon, comment s'appellent les mariés? Johan Fiesi et la mariée, je sais pas. Muriel! Son vrai nom! Je me souviens. Félicitations aux mariés. Ouh là là, les filles, attention. Hein. Et puis on vous donne rendez-vous tout à l'heure. Ludivine et Johan, c'est ça? Oui, c'est ça. Ludivine et Johan, félicitations à Zot. Et puis rendez-vous tout à l'heure pour la visite du marché forain du Chaudron en direct sur Réunion Première. Merci beaucoup, Prisca, en direct du Chaudron. Donc merci à Muriel, merci à Marie-Ange. Et avec un peu d'avance, toutes nos félicitations à Ludivine et Johan pour ce vendredi. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. À suivre sur Réunion Première, les informations pratiques qui concernent vos quartiers avec des coupures d'électricité prévues aujourd'hui, coupures d'eau également. Et les avis de décès, ce sera dans moins de 3 minutes. A tout de suite. I feel like new sunglasses, like a brand new pair of jeans. I feel like taking chances. I feel a lot like 17. Like when I close my eyes and don't even care if anyone sees me dancing. Like I can fly and I don't even think of touching the ground. Like a heartbeat skip, like an open page, like a one-way trip on an aeroplane. It's the way that I feel when I'm with you. Brand new. A young John Cusack, like making big mistakes. I feel like for the first time in a long time I am not afraid. I feel like a kid. Never thought Like when I close my ce matin sur la première avec Brand New. Vous écoutez la première et dans 10 minutes, le journal de la rédaction sera présenté par Florent Marot sur la première. Voici les avis de décès dans quelques secondes. Première. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. Réunion Première vous fait part du décès de Monsieur Azi Jean Valeski. Décès de Monsieur Azi Jean Valeski. Décès survenu à l'âge de 43 ans. L'heure et le jour des obsèques vous seront communiqués ultérieurement. Réunion Première vous fait part du décès de Madame Waro Marie-Joséphine. Décès de Madame Waro Marie-Joséphine. Décès survenu hier à l'âge de 93 ans. Le convoi mortuaire partira à 15h du 52 allée de la Source. Basse-Terre à Saint-Pierre. La bénédiction aura lieu en l'église de Bon Pasteur à la Ravine Blanche Saint-Pierre à 15h30. L'inhumation se fera au cimetière marin de Saint-Paul. Réunion Première vous fait part du décès de Monsieur Sateya Jean-Michel, dit Ticoc. Décès de Monsieur Sateya Jean-Michel, dit Ticoc. Décès survenu le 6 juin à l'âge de 56 ans. Le convoi mortuaire sortira du 55, chemin Casimir, à Saint-Leu, à 15h cet après-midi. La bénédiction aura lieu à 15h30 en église de Saint-Leu et sera suivie de la crémation au centre funéraire de Saint-Pierre. Réunion Première vous fait part du décès de Monsieur Waro Émile, dit Milo. Décès de Monsieur Waro Émile, dit Milo. Décès survenu le 3 juin, à l'âge de 85 ans. Une veillée se tiendra à partir de 9h ce matin au centre funéraire de Prima. La bénédiction aura lieu au centre funéraire de Prima demain à 10h et sera suivie de l'inhumation au cimetière de l'Est. Réunion Première vous fait part du décès de Monsieur Dijoux Louis Augustin. Décès de Monsieur Dijoux Louis Augustin. Décès survenu hier à l'âge de 85 ans. La date et l'heure des obsèques vous seront précisées ultérieurement. Réunion Première vous fait part du décès de Monsieur Damour Patrick. Décès de Monsieur Damour Patrick. Décédé en métropole le 1er juin à l'âge de 55 ans. Une veillée se tiendra au centre funéraire de Bois-Rouge demain jeudi à partir de 13h. La date et l'heure des obsèques vous seront communiquées ultérieurement. Réunion Première vous fait part du décès de Madame Sago Janine. Décès de Madame Sago Janine. Domicilié au 58, chemin Stéphane Rebecca à Saint-Pierre. Décès survenu le 4 juin. La veillée mortuaire se tient au centre funéraire de Prima. La date et l'heure des obsèques vous seront précisées ultérieurement. Réunion Première vous fait part du décès de Madame Rassabi Renette, née Augire, dite Poupette. Décès de Madame Rassabi Renette, née Augire. Décès survenu le 6 juin à l'âge de 91 ans. Une veillée se tiendra au centre funéraire de Bois-Rouge à Sainte-Marie. La bénédiction aura lieu en l'église de Sainte-Suzanne aujourd'hui à 15h, l'inhumation au cimetière du même lieu. Réunion Première vous fait part du décès de Monsieur Vitry, Joseph René Raymond, dit Radio ou Feuilletol. Décès de Monsieur Vitry, Joseph René Raymond, décès survenu hier à l'âge de 82 ans. Le convoi mortuaire sortira de son domicile 49 rue de la Cité, 53 SHLMR Les Forbans, Plateau Goyave à Saint-Louis. À 12h30 ce jour, la bénédiction aura lieu à 13h cet après-midi en l'église de Notre-Dame du Rosaire à la rivière Saint-Louis, l'inhumation au cimetière de la rivière Saint-Louis. Réunion Première vous fait part du décès de Monsieur Grondin Gilbert Raymond. Décès de Monsieur Grondin Gilbert Raymond. Décès survenu à l'âge de 73 ans le 6 juin. Le convoi mortuaire sortira de la chapelle ardente de la Plaine des Cafres, l'inhumation au cimetière de la Plaine des Cafres. La date et l'heure des obsèques vous seront communiquées ultérieurement. Réunion Première vous fait part du décès de Monsieur Dijoux Camille Ricot. Décès de Monsieur Dijoux Camille Ricot. Décès survenu le 6 juin à l'âge de 55 ans. domicilié au 40 rue Laurent d'Amour, de Rive à Sainte-Suzanne. La date et l'heure des obsèques vous seront précisées ultérieurement. Réunion première présente aux familles endeuillées, ses sincères condoléances. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèques et Complémentaire Santé. Moins 5, vous écoutez Réunion Première et je vous le disais ce matin et c'est confirmé, donc aujourd'hui il va y avoir une coupure d'électricité sur toute la commune de Sillaos à partir de 8h30. Donc la commune en totalité, coupure d'électricité aujourd'hui en raison de travaux de 8h30 à 11h15, prenez vos dispositions. Cette fois c'est une coupure d'eau qui concerne la ville de Saint-Louis à partir de 8h ce matin dans tout le secteur de Curpipe. On est connu avec Curpipe et Maurice, ben et là aussi Cupip, à Saint-Louis, donc pas d'eau, de 8h et ce jusqu'à 16h aujourd'hui. À Saint-André, en raison de travaux, donc sur la conduite principale, donc il y aura une coupure d'eau aujourd'hui à partir de 8h et ce jusqu'à midi à Saint-André, dans les secteurs suivants. Chemin Monnier, partie comprise entre le chemin du centre et le chemin Rio, ainsi que dans toutes les voies adjacentes. Ensuite, à l'étang salé, il est déconseillé de boire l'eau du robinet, canaux les bas, canaux les hauts. À l'entre-deux, les abonnés doivent prendre la précaution de ne pas consommer l'eau du robinet. Plutôt conseillé de boire de l'eau en bouteille ou à défaut de porter à ébullition cette eau pendant 3 minutes, la laisser refroidir avant de la boire. Cette eau peut toutefois être utilisée pour les toilettes, les WC, le lavage. Des dispositions qui restent valables en cas de persistance des pluies pendant 24 heures après retour à la normale. Et côté ciel, normalement, ça devrait aller pour aujourd'hui. Alors pareil pour le secteur de Saint-Pierre, Bassin-Martin, Bassin-Plat, Concession-Condé, Ligne-Bambou, Montvialet-Bas et Piton-Montvert. Voilà pour les informations pratiques qui concernent vos quartiers. On passe maintenant à un communiqué de l'EFS, l'établissement français du sang, qui vous informe des prochaines collectes mobiles ouvertes au public. Aujourd'hui, mercredi, ça se passe au conseil départemental Plateau Caillou, donc de 8h30 à 12h30. Également à Saint-Leu, au parc du 20 décembre, là où il y avait le Tempo Festival. Donc c'est de 9h à 13h aujourd'hui pour faire un don du sang. Voilà pour les infos pratiques ce matin. Le prochain rendez-vous pour les avis de décès, également les communiqués, ce sera à 11h50 avec Lionel Olivier dans C'est encore mieux en première. Réunion première. Cet espace est le vôtre. Vos communiqués, vos messages par fax au 02 62 40 68 33 ou par mail à avis@france-tv.fr. Eh bien oui, je vous le disais mes amis, il y a un temps normalement un peu plus agréable, quoi qu'il pleut, dans certaines régions de l'île pour ce matin. Soyez prudents sur le réseau routier. On a eu Véro qui nous a envoyé ce message pour nous dire qu'il pleut des cordes sur Petite-Île. Également de la pluie aux avirons. Merci à Marie, c'est Edith qui a envoyé ce texto. Allez, les jobs pour aller travailler ce matin. Fait un bisou à toute sa famille, c'est Ghislaine de Brapanon. Gros bisous, Ghislaine. On salue également Tino, salut Stéphane et Guylaine qui font la route avec Réunion Première. Dans moins de 2 minutes, le journal de la rédaction sera présenté par Florent Marot sur Réunion Première. Avant cela, l'horoscope est présenté par Juliette. Bonjour, merci d'être avec nous en ce mercredi. Vous faites bien d'être là parce que nous allons écouter tout de suite l'horoscope de cette journée. Nous sommes le mercredi 8 juin et nous fêtons les Médards aujourd'hui. Bélier, la vie de famille vous apporte une entière satisfaction. Taureau, le plaisir est toujours passé au futur, mais pour vous en ce moment, jamais présent. Gémeaux, une jalousie larvée pourrait créer un conflit dont vous n'avez pas envie et surtout pas besoin pour le moment. Cancer, vous savez inclure le long terme dans toutes vos perspectives. Lion, vous avez besoin d'une épaule sur laquelle pleurer ou vous confier. Vierge, pour défendre ce que vous aimez, vous êtes capable de remuer ciel et terre. Balance, suivez votre instinct et uniquement le vôtre. Scorpion, côté travail, vous prenez d'excellentes décisions. Vous vous détendez enfin. Sagittaire, une surprise viendra animer la journée. Capricorne, en ce moment, vous êtes pourvu d'une très grande facilité d'adaptation. Verseau, côté professionnel, vous aimez parier sur l'inconnu quand vous sentez que c'est possible. Et vous avez raison. Poisson, enfin, la discrétion vous caractérise. Mais est-ce la meilleure manière de faire passer vos messages ? Très belle journée à tous et à toutes. Vous écoutez Réunion Première et nous sommes aujourd'hui le mercredi 8 juin 2016. Comment ça se passe sur le réseau routier aujourd'hui? Eh bien, nous allons le savoir dans 15 minutes précisément. Il est tout pile 6 heures à La Réunion. Le journal est présenté par Florent Marot. Bonjour Florent. Bonjour Jackie, bonjour à tous. Ils sont 11 450 cette année. Les candidats au baccalauréat n'ont plus qu'une semaine pour se préparer. La philo, c'est le 15 juin. En attendant, aujourd'hui et demain, place au BEP, le brevet d'études professionnelles. Le premier étage d'une maison s'est embrasé hier soir à la Bretagne. L'incendiaire présumé serait un jeune homme qui voulait se venger après une rupture. Son ex a été emmené à l'hôpital en état de choc. Les transporteurs toujours mobilisés devant la centrale à béton Holcim. Depuis hier, ils dénoncent la suppression d'une vingtaine de camions et des contrats qui vont avec. Les transporteurs pourraient durcir le mouvement aujourd'hui. Et puis en sport, football, J-2 avant l'Euro en France. Les Bleus affrontent la Roumanie vendredi en match d'ouverture. Dimitri Payet pourrait être titulaire. Réunion Première, Florent Marot. Pas de chance, il a lieu cette année en même temps que l'Euro de football. Le bac démarre dans une semaine exactement. L'épreuve de philosophie est prévue le 15 juin. 11 450 candidats passent l'examen cette année. En attendant, aujourd'hui et demain, place au BEP, le brevet d'études professionnelles. Ça commence à 10h. 70 centres d'examen sont prévus et pour tout planifier, tout organiser, un secrétariat dédié a été mis en place, notamment au lycée professionnel de l'Horizon. Là-bas, toute l'équipe est prête. Jean-Yves Indis, Bernard Weichin et Richard Gondin. On planifie les différentes épreuves et puis on essaie d'organiser au mieux donc le déroulement de ces différentes épreuves avec des candidats de l'établissement et des candidats qui viennent de l'extérieur et essayer de les caser au mieux suivant les disponibilités de l'établissement. La planification des épreuves qui doit se dérouler sur la période des examens qui commence pratiquement du 8 juin pour les BEP, la semaine suivante le 15 juin pour les BAC. Sur ce planning est répertorié l'ensemble des spécialités du BAC, qui sont à peu près une douzaine. Ensuite, sur ces spécialités, on vient attribuer des salles de classe où vont composer les candidats. Et bien entendu, il y aura affecté à ces classes des surveillants qui vont surveiller les candidats aux épreuves. Alors la grande difficulté, c'est notamment de trouver les salles disponibles, le nombre de places, le matériel disponible. Alors le gros souci, c'est lorsqu'il manque des surveillants qui ne sont pas à l'heure, qui ont des petits pépins de santé, donc en retard. Pour cette semaine, on est prêt. Mais pour la semaine prochaine, on est en train de travailler justement sur la planification. Tout se passe ici, dans cette salle? C'est dans cette salle qu'on planifie les épreuves, qu'on prépare tous les documents nécessaires pour les épreuves, donc c'est-à-dire les sujets, les copies, les brouillons, etc. Des réactions recueillies par Nadine Bachelot. Les épreuves du BEP se terminent demain pour le bac. Rendez-vous devant les sujets de philo la semaine prochaine. Dans tous les cas, n'oubliez pas votre pièce d'identité et votre convocation. Dans le reste de l'actualité, la police lance un appel à témoins. Elle recherche le conducteur de la voiture qui a pris la fuite hier après ce grave accident sur le boulevard Sud. Cela s'est passé vers 4h20. Le véhicule aurait percuté un scooter dans le sens nord-sud. La circulation a dû être interrompue. Bilan, 2 blessés gravement touchés. Si vous avez vu quelque chose, vous pouvez appeler le 02 62 90 75 25. Lui aussi est recherché par la police. Un jeune homme aurait mis le feu hier soir à une maison de la Bretagne à Saint-Denis. Il aurait voulu se vengé après une déception amoureuse. Il s'est alors rendu dans la chambre de son ex-copine avec de l'alcool à brûler avant de mettre le feu. Heureusement, pas de blessés, mais la jeune femme, choquée, a dû être évacuée vers le CHU. Il a été condamné à 5 ans de prison ferme. Cédric Kess a été reconnu coupable hier d'agression sexuelle. C'était le 11 janvier 2014 à Sainte-Marie. Ce soir-là, il a agressé une jeune femme qu'il avait invitée à boire un verre chez elle. Cédric Kess, qui n'en a pas fini avec la justice, il doit prochainement être jugé pour viol devant les assises. En attendant, il dort en prison. Direction la prison, justement à Domingueux, où la tension n'est pas tout à fait retombée après la bagarre de ce lundi. 7 surveillants ont été blessés dans ce que les syndicats qualifient de guet-apens. L'intersyndicale appelle d'ailleurs à un rassemblement des surveillants demain devant le centre pénitentiaire. Des surveillants qui réclament plus de sécurité. Les transporteurs de retour ce matin devant la centrale à béton Holcim à Cambé et ils pourraient même durcir le mouvement. Depuis hier, à l'appel de la FNTR, ces transporteurs dénoncent la suppression d'une vingtaine de camions sur la cinquantaine en rotation. Ce sont des emplois qui sont en jeu. Les chauffeurs reprochent à Holcim de ne pas respecter un accord signé l'an dernier. Et pour l'instant, aucune rencontre n'est programmée. Les précisions de Roger Narayanin, transporteur et membre élu de la FNTR. La direction de l'Holcim nous dit qu'il va procéder à la résiliation de ses contrats ou en mettre en suspension. On a intervenu pour leur dire, trouver un terrain d'entente pour que ce point-là soit réglé. Et ils ont décidé qu'il y aura 22 camions qui est dans les parcs des transporteurs que nous sommes, qui sera résilié. Là, sur le site d'Holcim, nous débrayons pour trouver une solution à cette non-respect du protocole. On ne bloque pas, mais on ne travaille pas. On est dans le starting block pour savoir ce qu'il en est, qui va donner pour la suite. Et on attend la direction d'Holcim pour reprendre cette discussion. Roger Narayanin, transporteur et membre élu de la FNTR, interrogé par Delphine Poudroux. Les transporteurs qui pourraient, je vous le disais, durcir le mouvement aujourd'hui, ils envisagent de bloquer la carrière centrale d'agrégat à Cambé. Toujours dans le bâtiment, la FRBTP va élire ce soir son président et le nouveau bureau. Bernard Siriex est a priori le seul candidat. Il est arrivé au port hier. Le navire Le Tonnerre participe depuis le 3 mars à la mission Jeanne d'Arc, une mission de 5 mois avec comme objectif la formation pratique en situation réelle. 130 officiers élèves sont concernés et parmi eux, des Réunionnais hier au port. Des familles attendaient d'ailleurs ces Réunionnais qui font partie de l'équipage du Tonnerre, un fils, un cousin. Delphine Poudroux a assisté à l'arrivée du bateau, une arrivée au son de la cornemuse. Sur le port Est, l'imposant bloc d'acier de 200 mètres de long et d'au moins 32 mètres de large s'est délicatement frayé une place. À bord, des officiers élèves, tous sont embarqués depuis Toulon pour une formation sur le bâtiment de projection et de commandement. Parmi eux, des Réunionnais, Laurent Sudra est commandant du BPC Tonnerre. Nous avons un nombre conséquent de Réunionnais à bord. Je suis très heureux d'avoir ces Réunionnais à bord. Je crois qu'eux sont très heureux que la chance les conduise au cours de cette mission à la Réunion. Évidemment, vous devinez votre joie, ils vont retrouver leur famille. Justement, sur les quais, les proches s'impatientent. Sully, lui, attend sa fille Virginie. Elle a embarqué comme second maître sur le navire militaire. Donc ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vue, ça fait depuis l'an passé. Donc elle est sortie à Toulon le mois de mars, elle a fait toute la côte africaine et là, elle arrive sur la Réunion. Sur les quais aussi, quelques membres de l'Amicale Bretagne Réunion et leur président Sébastien Hervé. Eux sont venus pour rencontrer le Bagad de Lanbiwe. Le Bagad de Lanbiwe, c'est la seule fanfare militaire française et qui est un petit peu le symbole de musique militaire française. Et donc du coup, on se devait absolument de les accueillir. Et puis pour la Bretagne, le Bagad de Lanbiwe, c'est un gros symbole. Après un long voyage en mer, la fanfare offrira un voyage musical à terre à tous les Réunionnais qui viendront à leur rencontre durant l'escale. Et le Tonnerre repartira le 13 juin prochain. Réunion première 6h07, c'est l'événement foot de cette année 2016. Il est à suivre, Florence, sur les chaînes premières. Et oui, l'Euro en France démarre après-demain. Les Bleus affronteront la Roumanie en match d'ouverture. Dimitri Payet pourrait être titulaire. Le Réunionnais est en forme, comme le reste de l'équipe. C'est d'ailleurs avec sérénité que Dimitri Payet attend cette compétition. Personnellement, voilà, je pense que je suis plutôt serein. Je suis très content d'être là. Je sais que je reviens de loin, donc... Honnêtement, je ressens pas encore pour l'instant cette pression, même si on en aura certainement, vu qu'on est à la maison, qu'on fait le match d'ouverture, il va falloir être performant tout de suite. Mais je pense qu'il faut transformer cette pression en chose positive. Je pense que si on arrive à bien entamer cette compétition et avec le public, on l'a vu, qui sera derrière nous, on a tout à gagner. Le Réunionnais Dimitri Payet, interrogé par Massiré Correa, et de nombreux Réunionnais voient la France aller loin dans cette compétition. C'est le cas de Guillaume Waro, l'ancien international qui joue aujourd'hui en Suisse, est en vacances dans l'île. Mais c'est ce que pense aussi Wendy Renard, capitaine de l'équipe de France féminine. Elle est également à la Réunion en ce moment, invitée par l'association Mille Sourires. Entre les anciens et les nouveaux, je dirais que ça a fait une bonne sauce. Il y a une équipe bien complémentaire. Il y a des joueurs qui sont capables de jouer à plusieurs postes. Donc ça aussi, pour une compétition, surtout la durée, c'est important. Et pour le sélectionneur aussi, de pouvoir, s'il veut, changer de système. Après, je pense qu'on a beaucoup de potentiel. C'est un collectif, mais l'homme qui va être déterminant pour moi, ça va être forcément Dimitri Payet. Parce que pour moi, c'est le meneur du jeu de l'équipe de France. Je pense que si lui, il arrive à continuer la saison qu'il a pu faire avec West Ham tout au long de cette année et garder son niveau d'exigence sous les coups de pied arrêtés, on a de grandes chances de pouvoir obtenir un titre. Et derrière, avec les Pogba, les Coman, les Giroud, même derrière, défensivement, je pense qu'on a un bon groupe et un bon sélectionneur. Donc c'est tout ce qu'il faut. Wendy Renard, capitaine de l'équipe de France féminine, au micro Réunion Première de Johan Adamadorassi. France-Roumanie, c'est donc ce vendredi à 23h en direct sur Mayotte Première. L'Euro de foot, une usine Afrique, selon François Fasquelle du Front de Gauche, le parti de Jean-Luc Mélenchon. Il est aujourd'hui l'invité de la matinale. Ce sera à partir de 7h15 avec Philippe Dornier.

L'info revient à 6h30. Dans 15 minutes précisément pour le retour de l'information. Bonjour pour tout ça qui arrive et merci pour ça qui est là depuis grand matin bonheur. Le temps est plutôt agréable à Brapanon, à Trois-Bassins également, 14 degrés ce matin. On va noter de la pluie par contre à Petite-Île, également aux avirons, prudence si vous êtes sur la route. Alors le petit front froid, il est passé, il a laissé derrière nous quelques bonnes averses dans l'ouest et dans le sud également. Aujourd'hui, on aura droit à un temps plutôt sec en général, une journée de mercredi qui promet d'être belle. On reste malgré tout sous la menace de quelques averses en début de journée vers l'étang Salé à Sainte-Rose, comme je vous le disais. Donc prudence sur la route. Donc des averses qui devront se calmer normalement. Cet après-midi, des nuages qui vont se concentrer principalement dans les hauts, les hauteurs du nord et de l'ouest, puis déborder sur les bordures côtières entre Sainte-Suzanne, même jusqu'au port, du beau temps dans les cirques et au volcan. Jackie réveille la Réunion. Qui sera avec nous dans quelques secondes pour faire un premier point complet sur le trafic à La Réunion. Bienvenue à tous en ce mercredi 8 juin. On fête aujourd'hui les Armands, Armandes, Médéric et Prune. Sachez que l'invité de la matinale à 7h15, c'est François Fasquel qui répondra aux questions de Philippe Dornier. C'est l'invité de la matinale, porte-parole du Front de Gauche de La Réunion. Alors l'actualité ce matin avec vous, on a entendu parler de ce balai d'hélicoptères ce matin entre La Possession et Saint-Paul. On n'a pas plus d'informations pour l'instant. On va noter également qu'à Sillaos, il va y avoir une coupure d'électricité dès 8h30 ce matin sur l'ensemble du cirque. Donc 8h30 jusqu'à 11h15. Et attention, sur la route, on nous signale également des pêcheurs qui marchent en ce moment donc sur la bande d'arrêt d'urgence sur la route du littoral en direction de Saint-Denis au niveau du PR5+200. Bonne route avec Réunion Première. Et en parlant de trafic... Votre trajet en toute confiance, c'est l'heure des inforoutes avec Honda Moto. Et on accueille Yves Gruyer. Bonjour Yves, vous êtes sur la route du théâtre. Bon, oui, absolument. Bonjour, bonjour Jackie, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver. Ciel clair ici. Il y a du vent dans l'ouest ce matin. Circulation qui se fait peu après correctement. Milieu de viaduc pour les bouchons. Donc ça se passe sans trop de problème, en tout cas avec un petit peu moins de monde que ces deux premières matinées de la semaine. Donc attention aux piétons quand il y en a sur la route du littoral. Mais ils sont habitués, ces pêcheurs, donc à venir. Ils font parfois un kilomètre ou deux pour aller vers leur zone de pêche en bord de mer. Attention à eux quand même. C'est donc un événement dans la nuit. Donc il y a un automobiliste qui a fait un tête-à-queue sous le tunnel du Cap Laoussé. Il est reparti dans l'autre sens. Donc à sens contraire, il a repris la bretelle suivante. Heureusement, ça s'est passé en pleine nuit. Il n'y avait pas beaucoup de circulation. Mais on a évité le drame, sans doute. On a pu éviter le pire. Voilà, donc attention, prudence dans mon comportement. Le trafic en dehors de ce ralentissement au milieu de viaduc et jusqu'à Savannah, il y avait une bretelle de Cambay très chargé parce qu'il y a des travaux donc en arrivant sur le haut de la bretelle avant de franchir l'ouvrage qui vous permet de rejoindre l'axe mixte. Donc il y a un peu de contrainte, une chaussée rétrécie. En dehors de cela, donc l'entrée ouest et les entrées est de Saint-Denis sont plutôt dégagées et fluides. Dans la route, il y avait un peu d'humidité dans le sud-ouest ce matin. Restez prudents avec une chaussée peut-être glissante. À tout à l'heure. C'était les inforoutes pour des trajets en toute confiance avec Honda Moto. Ça va pas aller, il y a par là-bas. Drame évité, heureusement. Yves Gruyer sera avec nous à nouveau juste avant le journal de 6h30. Un journal qui sera présenté par Cécile Thomas dans un peu plus de 10 minutes maintenant. À l'écoute de Réunion Première, il est 6h18. On joue avec vous ce matin pour repartir avec un bon cadeau d'une valeur de 20€ offert par Réunion Première et les magasins partenaires. Alors, selon la célèbre chanson de Jean-Paul Volney, Camille, l'assassin dans le Bread Room, du safran ou du gingembre? L'assassin lit la mettre, gingembre dans le bread, mouvou maillot. L'assassin lit. Qu'est-ce qu'il la mettre dans le bread, mouroum, c'est l'assassin là. 02 62 99 2000. Allez, un bon cadeau d'une valeur de 20€ à gagner, à tout de suite. Première. Retrouvez les avis de décès tous les jours sur Réunion Première. À 5h50, 11h50, 13h50 et 17h50. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. Ce dimanche 12 juin, la ville de Saint-Leu organise un référendum local. Vous devrez répondre oui ou non à la question « Voulez-vous que la commune de Saint-Leu révise son document de planification pour permettre la carrière de bois blanc ?» Rendez-vous dans votre bureau de vote habituel de 8h à 18h. Le 12 juin, votons. Première. Dans 3 minutes, nous allons aller avec Prisca au marché forain du Chaudron. Prisca qui a rencontré ce matin Muriel et Marie-Ange. On va souhaiter avec un peu d'avance toutes nos félicitations pour Johan et Ludivine, puisque Muriel et Marie-Ange partiront de fleurs pour le mariage ce vendredi. Et puis Prisca dit à nous, allons-y, fraudé. Pas bon, Mouna Nagé, le coup, ma fille. Marie-Louise, elle est avec nous. Bonjour Marie-Louise. Oui, bonjour. Marie-Louise de Saint-Benoît. Oui, bonjour Jacques. Marie-Louise, ça va? Ça va, je réveille. Ah, ça alors, va. On se réveille tranquillement. Oui, tranquillement. On a déjà bu un petit café ou pas? Non, je réveille. Alors, est-ce qu'on vous a déjà fait chanter au réveil, Marie-Louise? On m'a fait chanter, non. On connaît maintenant la malice dans la tête. Ben oui. Alors, Marie-Louise. Vous savez chanter un petit passage de cette chanson de Jean-Paul Volney pour nous? Ah ben, je ne connais pas trop, mais m'a essayé. Alors, nous, ça va? Oui. L'assassin. L'assassin. La médecin fondant de Renouron. Ah bon, l'assassin? Ben là, il a fait l'assassin, vraiment. Ben oui, il n'est pas bon. Alors, qu'est-ce qu'il met dans Renouron s'il ne met pas sa fond? Ah ben, Renouron. Mettre sardine. Ah. C'est un carré la faiblesse. Mettre safran même. Mon. Ôté, ma fille. Ou mange bois de mouroumou? Ben oui. Bon, ben nous l'a compris qu'on ne mette pas safran dedans, donc c'est la bonne réponse. Oui. Alors, réunion première d'Anao avec les magasins Espace Fraîcheur, un bon cadeau d'une valeur de 20 euros, ma fille. Oui, ben c'est gentil. Réunion première, c'est gentil. Et merci beaucoup. Et ben merci à vous deux de fidélité. Bon réveil. Ben merci. Et bonne journée à vous. Continuez comme ça, hein. Merci, continuez Marie-Louise. Continuez comme ça. C'est l'ambiance continuons. Le matin en réveillant. Et ben les voilà. Gaillards. Voilà. Marie-Louise, il fait beau à Saint-Benoît, là. Il y a pas de ben pluie. Là, je regarde. Je suis encore dans la maison, mais oui. Par la vue, je regarde. Il fait beau. Il fait beau. Il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de vent, là. Il fait beau. Et ben, mes souhaits à une journée ensoleillée. Voilà. À bientôt. Ben peut-être demain, je rappelle pour l'anniversaire de mes deux. Je avec sais pas grand si plaisir. Aujourd'hui ou demain. Mais demain vaut mieux appeler entre 5 et 6 heures si vous appelez le matin. Bon. Sinon, tout au long de la journée, vous pouvez appeler aussi. Hein. Voilà. Les bons? Oui, c'est bon. D'accord, merci Marie-Louise. Beaucoup. Allez, au revoir. Bonne continuation. Bisous, allez, Marie-Louise. Allez, réunion première. On allait battre un petit carré assez forain. Ce drone avec Prisca, juste après la jolie voix de Cynthia. Amérali sur la première qui nous parle d'un amour parfait. Bon réveil. Les temps pour choisir, dans les pâtes faciles pour me réconter sans la paix. Une cicatrice profonde qui t'y empêche, moi, épanouie. Toi, qui fais récit avec moi, tiens-moi, balle-moi qui file, ferme à trouver qui m'est malgré tout. C'est qui mon fil subit, tout là pour illuminer mon cœur. C'est tellement beau pour être vrai, cet amour parfait. chanson, certainement Yoann et Ludivine. Eh bien, ce vendredi, à l'occasion de leur mariage, un amour parfait. Et c'est ce qu'on vous souhaite. La jolie voix de la talentueuse Cynthia Amerali, ce matin sur la première. Direction Le Chaudron, à présent Marché Forain. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Là, là, nous l'avons bien fait message pour dire nous arrête, fais frauder un mariage, Prisca. Arrête quoi? Fais frauder un mariage. Ah, essayer de s'inviter comme ça, c'est ça? Ben, il y a un coup de galet, ça. Aïe, aïe, aïe. Bon, Gérard, vous n'allez pas vous marier, Gérard. Bonjour. Non. Vous n'allez pas vous marier? Non, Gérard, il ne va pas se marier. Je vous présente Gérard. Gérard, qu'est-ce qu'on est dans la main gauche, là? La main gauche? Qu'est-ce qu'on est là? Qu'est-ce qu'on tient dans la main, là? Il arrive dans la main droite, maintenant. Une canne. Vous avez une canne. Et qu'est-ce que vous allez faire avec cette canne? Donc en fait, Gérard, il a ramené quelques variétés de canne à sucre ici sur le marché forain du Chaudron, Jackie. Mmh. Et vous connaissez Malagouté. Donc combien de variétés de canne vous l'a ramené là, Gérard? Il y a canne mapou, il y a canne bonbon, et puis canne saïpon. Alors par rapport au canne mapou, en fait, c'est très très très sucré, hein, les deux variétés. Oui, c'est le canne mapou en fait qui remporte la palme du sucre. Oui, je crois. Hein. Donc en plus, donc avec Gérard, la particularité c'est qu'on peut acheter tout morceau de canne comme ça. Oui. C'est ça. Ou sinon ou plus, allez. Oui. Est-ce que le prix change, Gérard? Non, ça n'a pas changé parce qu'il y a 1 € la plaquette. 1 € la plaquette. Mais si par exemple, Jackie, t'as le là, il vient marché forain, il achète une canne à sucre comme ça là. Oui. Combien il coûte ça? Il fait 1 €. Ah, il fait 1 € aussi? C'est 1 €. Ah, c'est pas cher. Une tige de canne à sucre, 1 €, quelle que soit la variété. Oui. Ouais. Et vous savez quoi, Jackie? Oui. Gérard a préparé une canne à sucre. Où la mettre, quelle variété? Le canne mapou et... Le canne mapou, ensemble, le canne bonbon. Et le canne bonbon dans le panier garni, qui sera gagné tout à l'heure entre 10h et 10h30, pardon. Et le mot de passe hein, pour décrocher ce panier garni, c'est canne à sucre avec Réunion Première. Après ça, tu peux arriver avec la variété de canne que vous y veux, hein, et vous repartirez avec votre panier garni entre 10h et 10h30. Le mot de passe, c'est canne à sucre. Alors, juste quelques précisions, Jackie, pour vous dire que dans l'ensemble, au niveau des prix hein, sur le marché forêt du Chaudron, la tendance est à l'augmentation. Parce que j'ai discuté tout à l'heure avec Patrick. Patrick, c'est un bazardier hein, qui vend des courgettes. Il me dit que le prix a remonté. Hein, le prix est en augmentation. Donc, il faut compter entre 3 € et 3,50 € pour avoir un kilo de courgettes. Le prix du gros piment aussi hein, va vous étonner, ça coûte entre 6, 7, voire 8 € le prix du gros piment. Et les haricots verts aussi sont très chers. Donc il va falloir se rabattre vers les paquets de bread qui restent à 1 €. Ou sinon il y a de la salade hein, sur le marché forain du Chaudron à 1 € aussi, tout comme le prix du kilo de tomates qui reste convenable pour ce mercredi 8 juin. Allez, rendez-vous tout à l'heure pour gagner votre panier garni avec ce mot de passe. Canne à sucre avec Réunion Première. Bon réveil. Merci Prisca, en direct du Chaudron ce matin. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Roulez tranquille en suivant l'inforoute avec Autorelais. Autorelais, drive cool. À la sortie de Saint-Gilles, Ivrier. Oui, juste au bout de l'ancienne 4 voies, puisqu'on ne circule plus sur 4 voies, vous le savez, depuis un petit moment. Et il y a un gros chantier, la vitesse est toujours limitée à 50 km/h, donc un petit rappel pour ceux qui passent là comme si de rien n'était. Donc dans un sens, c'est surtout en direction de Saint-Paul, puisque le gros du trafic se fait en direction de Saint-Paul, ceux qui veulent éviter les embouteillages. Ils se situent d'ailleurs sous la tranchée couverte, donc en haut du viaduc, avant de rejoindre la route digue. Donc vous êtes déjà nombreux à emprunter le littoral, rejoindre Saint-Paul avec un petit peu moins de problèmes. En tout cas, à cette heure-ci, ça se passe bien. Hein, donc, pour passer le cap là où c'est et rejoindre donc la chaussée royale. Voilà, ici, il y a donc ce chantier de réalisation de ce giratoire. Il avance bien. Hein, donc, il y a déjà la forme du giratoire qui est bien marquée. même si on est encore assez loin de la fin de ce chantier. C'est un chantier qui était prévu pour 5 mois, mais qui se terminera sans doute bien avant. Il y a toujours cette contrainte à la sortie de la rue Générale de Gaulle, donc la rue du centre-ville de Saint-Gilles, de continuer par l'avenue de Bourbon, c'est-à-dire passant par l'Ermitage. Vous ne pouvez pas rejoindre directement la Nationale à ce niveau. Et puis Saint-Gilles qui prépare le grand boucan, Jackie, c'est pour ce dimanche, en même temps que la fête des Pères, et beaucoup de monde donc attendu durant ce dimanche après-midi. Alors on devrait peut-être pouvoir utiliser l'ancienne, enfin les voies côté mer qui sont fermées, comme zone de parking. Mais ça, j'attends la confirmation. Très bonne route avec la première. Bonne route avec Autorelais. Autorelais, drive cool. Et prudence donc au niveau de ce chantier giratoire, donc à la sortie de Saint-Gilles. Yves Gruyer prend un nouveau point, route dans 15 minutes. Il est 6h30 à La Réunion. Le journal de la rédaction est présenté par Cécile Thomas. Bonjour Cécile. Bonjour Jackie, bonjour à tous. Deux événements en ligne de mire, l'un sportif, l'Euro de football qui débute vendredi, et l'autre intellectuel plutôt, le bac qui commence mercredi prochain. En coulisses, tout cela se prépare. Nous entendrons Dimitri Payet à la fin de ce journal et ferons le point sur l'édition 2016 du bac dans un instant. Le Tonnerre et la frégate Guéprat au port pour 6 jours. La mission Jeanne d'Arc est en escale. Les bateaux accueillent des élèves officiers. Nous entendrons le commandant du Tonnerre. Un origami pour la paix. Des élèves réunionnais ont construit des guirlandes de grues du Japon, des objets en papier en origami pour rendre hommage aux victimes d'Hiroshima. Reportage dans ce journal. Réunion première, Cécile Thomas. En plein Euro de football, 11 450 lycéens. En plein Euro de football, 11 450 lycéens. Les surveillances que pour les corrections. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez important. Et cette année, de nouvelles dispositions entrent en vigueur pour le bac. Francis Vonderflick, secrétaire général du rectorat. Maintenant, un bachelier qui était en échec l'année dernière au bac de la session 2015 peut garder le bénéfice des notes qui étaient égales à 10 ou supérieures à 10. Donc ça, c'est une vraie nouveauté. Donc on n'est pas obligé de repasser toutes les épreuves. Et puis il y a d'autres nouveautés comme le redoublement de droit, c'est-à-dire qu'un élève qui sera en échec sur le baccalauréat de cette année a un droit de redoublement dans le même établissement pour repasser les épreuves l'année prochaine. Et pas question de frauder, les équipes surveillantes sont là et veillent au grain. Les sanctions peuvent être très lourdes en cas de triche. Erwan Pollard, le secrétaire général adjoint. Le blâme, qui est la première sanction, et puis après, l'ultime sanction, c'est une interdiction de passer toutes les épreuves et qui peut être aller jusqu'à 5 ans, une interdiction de se présenter à tout type d'examen. En attendant, les sujets gardés secrets dans des enveloppes scellées ont été acheminés vers les coffres des centres d'examen. Une mission délicate qu'Hubert Abrantès accomplit depuis 16 ans. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Hein. Quand on arrive à lieu sûr, on est content, on fait ouf. Stage de Nadine Bachelot, être ou ne pas être bachelier. Première épreuve, celle de philosophie, le 15 juin prochain. Les suites de l'accident qui s'est produit hier sur le boulevard Sud à Saint-Denis. La police lance un appel à témoins. Hier vers 4h20 du matin, un scooter a vraisemblablement été percuté par une voiture. Les circonstances du choc ne sont pas déterminées. Quand les secours sont arrivés sur place, il n'y avait que le scooter et 2 blessés gravement touchés. La police recherche donc le conducteur de la voiture qui a sûrement pris la fuite. Lui aussi est recherché par la police. Un jeune homme aurait mis le feu hier soir à une maison à la Bretagne à Saint-Denis par vengeance après une déception amoureuse. Il aurait vidé du liquide inflammable dans la chambre de son ex-copine avant de mettre le feu. La jeune femme était choquée. Elle a dû être conduite à l'hôpital. La mission Jeanne d'Arc en escale à La Réunion, le Tonnerre et la frégate Guéprat sont partis le 3 mars dernier de Toulon. Ils resteront 6 jours au port. À bord, 130 élèves, officiers français et étrangers, tous issus de l'école navale ou des écoles de commissariat des armées, de santé militaire et des affaires maritimes. Laurent Sudra est commandant du bâtiment de projection et de commandement Tonnerre, un navire qui permet de conduire des opérations interarmées et interalliées. Il peut accueillir un état-major complet. Le bâtiment de projection et de commandement Tonnerre, qui n'est d'ailleurs pas seul puisqu'il est escorté par la frégate Guéprat, une frégate furtive, également en escale et fort de nos 700 marins militaires, a des capacités opérationnelles, notamment de projection de force, de maîtrise des espaces aéromaritimes et même de projection de puissance. C'est une capacité militaire entretenue, entraînée, à la disposition du chef d'état-major des armées en cas d'opération. La lutte contre la piraterie pourrait faire partie de vos missions ? Absolument, mais nous avons déjà contribué à la lutte contre la piraterie lors du transit aller dans le golfe d'Aden et en océan Indien. Nous avons été associés à l'opération européenne Atalanta de lutte contre la piraterie et nous allons le refaire. Laurent Sudra, le commandant du Tonnerre, répondait à Delphine Poudroux. À terre, les transporteurs restent mobilisés. Contrôle CIM à Cambay. Hier, ils étaient une trentaine à avoir répondu à l'appel de la FNTR, la Fédération des transporteurs. Ils sont en conflit avec la direction de l'usine de béton qui souhaite réduire le nombre de camions qui tourneront sur le site. Une vingtaine de camions en moins. C'est inacceptable pour la FNTR. En fin de journée hier, aucune rencontre n'était programmée entre les transporteurs et la direction d'Holcim. Le mouvement pourrait se durcir aujourd'hui avec le blocage de la carrière centrale d'agrégat à Cambay. Et dans le BTP, toujours, un scrutin en petit comité se déroulera ce soir à la FRBTP. Trois semaines après le renouvellement d'une partie des administrateurs, la vingtaine de représentants au conseil d'administration doit élire le président et le nouveau bureau. Bernard Cyriex est a priori le seul candidat à sa succession. Bernard Cyriex qui aura un peu plus de temps à consacrer à la fédération. Il a fait valoir ses droits à la retraite à la fin du mois dernier. Réparez vous-même votre grille-pain ou votre petite télévision, c'est possible au Réparali Café, mis au point par l'association Ecopratique. Deux fois par semaine à la Rondavelle de Saint-Leu ou tous les mois à la Cerise, un groupe de réparateurs bénévoles se déplace avec ses outils pour vous aider à redonner vie à vos appareils défectueux. Sylvain Barbeau est le président et fondateur de l'association Ecopratique, c'est lui qui a mis en place ce projet. On a 50% des objets qui sont arrivés au réparalé, qui sont repartis réparés. Donc on se dit, bah, un petit fil, un petit fer à souder, un bout d'étain, un petit fusible à changer, c'est facile à faire. Et les gens peuvent le faire chez eux, avec un petit peu de règles de sécurité. Ou alors, s'ils se sentent pas, bah, on les accompagne pour le faire. Et c'est toujours 50% d'objets qui finissent pas à la décharge ou dans la ravine. Sylvain Barbeau, président et fondateur de l'association Ecopratique, répondait à Johanna Damadorassi. Dans l'actualité également, un origami pour la paix, c'est un projet qui a mobilisé une cinquantaine de classes. Ces derniers mois, l'objectif était de réaliser des grues du Japon en origami pour en faire des guirlandes. Ces oiseaux sont symboles de paix au Japon et une coutume veut qu'on suspende ces guirlandes d'origami au pied du monument pour la paix des enfants situé à Hiroshima. Deux petits réunionnais ont été embarqués dans cette histoire avec un grand H. Ces derniers mois, grâce au soutien de l'Académie de la Réunion, une cinquantaine de classes a participé à ce projet, dont deux classes de CM2 de l'école Jules Redlebé à Saint-Denis. Johanna Damadorassi les a rencontrées. Sadako Sasaki avait 12 ans quand elle est décédée d'une leucémie, une maladie contractée après avoir été exposée aux rayons de la bombe atomique à Hiroshima. À travers l'histoire de cette petite japonaise, c'est aussi un pan de l'histoire du monde que les élèves de Véronique Fontaine ont découvert. Les enfants dans la classe ont entre 10, 11 ans, certains ont 12 ans. Ça les a particulièrement touchés, cette histoire de bombe atomique, en plus des images que nous avons été voir sur Internet. Un événement que ces élèves émus n'ont pas tardé à associer aux événements d'aujourd'hui. Jabir a pensé aux attentats qui se passent en France, comme à Paris en novembre 2015, quand il y avait le match France-Allemagne. Mathilde aussi se tient informée, notamment grâce aux médias. On nous raconte qu'il y a eu des attentats un peu partout. Surtout à Paris, c'était le plus gros attentat après celle de Charlie Hebdo. De la violence qui n'est pas pour rassurer tous ces jeunes, c'est pourquoi la légende des 1000 grues, associée à l'histoire de Sadako, est aussi un message d'espoir. Mathilde. Si on fabrique 1000 grues, on peut après réaliser un vœu. Durant quelques mois, des centaines d'élèves réunionnais ont donc réalisé 4 guirlandes de 1000 grues qui seront bientôt accrochées au pied de la statue de Sadako à Hiroshima. Et comme Willy, ils n'oublieront certainement jamais cette petite fille. Pour moi, c'est quelqu'un de très fort parce que quand même, elle a pu résister à une bombe comme ça. Bon, moi, je voudrais pas qu'il y ait encore une guerre comme ça. Johanna Damadorassi. Plus que deux jours avant le lancement de l'Euro de football, après avoir vaincu l'Écosse samedi 3-0, l'équipe de France semble prête. Le coup d'envoi sera donné vendredi avec le match France-Roumanie. Un rendez-vous très attendu car on espère que Dimitri Payet sera titulaire. On écoute Dimitri, attaquant des Bleus. Il y a une énorme attente au niveau de mon île natale, donc c'est forcément très plaisant pour moi. Après, voilà, j'essaie au mieux de porter les couleurs de la Réunion dans cette équipe de France et j'espère que tous les Réunionnais vont être présents devant leur télévision et nous suivre et nous pousser parce qu'on a besoin de tout le monde. Poudjazad, le grand jour y approche et j'espère que vous tous sera là vendredi pour soutenir l'équipe de France et soutenir la Réunion. Dimitri Payet, interrogé par Massiré Correa, France-Roumanie, ce sera à 23h vendredi. L'info revient à 7h. Tout de suite, c'est l'heure de la chronique écho préparée par Sébastien Letard. À l'heure des bilans annuels de fréquentation, c'est toujours un peu le même constat pour les aéroports ultramarins. Par rapport à leurs concurrents, ils accueillent beaucoup moins de lignes internationales, ce qui se fait ressentir sur leur activité, mais aussi sur l'économie de tout un territoire, Sébastien. Les aéroports ultramarins sont encore trop concentrés sur leur liaison avec l'Hexagone. Un seul exemple, quand la Réunion est reliée à 9 pays et 14 aéroports, c'est plus du double pour Maurice, sa voisine, qui accueille des vols réguliers depuis 31 aéroports dans 17 pays différents. Pourtant, on le sait, plus une région est connectée à d'autres par les airs, plus elle s'enrichit. C'est aussi la conviction de l'Union des aéroports français. Chiffres à l'appui, toute annonce d'une nouvelle desserte ou de suppression de lignes outre-mer est donc regardée à la loupe. Jean-Michel Verne est le président de l'Union des aéroports français. On a augmenté la connectivité, c'est-à-dire la possibilité pour les gens, à titre individuel, à titre de travail, pour les hommes d'affaires, de voyager. Ça concourt à accroître l'économie, à une bonne santé de l'économie. Donc effectivement, c'est montré. Donc effectivement, tout ce qui ira dans le sens d'augmenter la possibilité de connexion un peu partout, tous azimuts, ira dans le sens du développement de l'économie et de l'emploi, c'est incontestable. 10% de liaisons en plus, c'est 0,5 point de PIB, c'est ça ? De PIB sur le territoire concerné, donc c'est quand même assez important. Et aussi, autre chiffre, 100 000 passagers en plus sur un aéroport, ça fait 100 emplois directs et 400 emplois indirects, donc c'est aussi source importante pour l'emploi. Et ces derniers temps, les annonces se multiplient aux Antilles, tout d'abord avec de nouvelles liaisons, depuis et vers les États-Unis, mais aussi avec l'Allemagne. Là, c'est évidemment bon pour le tourisme, mais dans le même temps, d'autres liaisons régionales vers Haïti ou Saint-Domingue sont arrêtées. Et là, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour les autres secteurs d'activité, dont certains ont besoin de marchés plus grands à l'échelle régionale pour atteindre leur rentabilité. Dans l'océan Indien ou à Tahiti, là, les professionnels attendent la mise en place de liaisons régulières vers la Chine, mais ces liaisons aériennes directes, c'est autant la cause que la conséquence du développement d'un marché. Il faut qu'elles soient rentables et pour cela, il faut que toute une filière soit mise en place, par exemple pour accueillir des touristes chinois à La Réunion. C'était Sébastien Letard pour la chronique économique sur Réunion Première. Avant de rejoindre Yves Gruyer pour l'infotrafic des nouvelles du temps. Alors sur Saint-Pierre, il pleut assez fort avec un peu de vent. Merci à Jules de Saint-Pierre qui nous envoie ce message. Alors le petit front froid qui a laissé de bonnes averses sur l'ouest et le sud de l'île, il s'éloigne. On garde toutefois quelques nuages, principalement dans les hauts. On a des averses encore pour aujourd'hui. Alors d'une ligne allant de Sainte-Rose jusqu'à l'étang salé, elles se font plutôt rares. Et cet après-midi, une couverture nuageuse qui sera un peu plus dense dans les hauts. Ensuite, un débordement nuageux est prévu en bordure du littoral, du côté de Sainte-Suzanne. Également des nuages au port. Le vent, il se renforce. 70 km/h à la pointe des Trois Bassins, ou encore 60 km/h à Saint-Benoît. Votre trajet en toute confiance, c'est l'heure des inforoutes avec Honda Moto. Yves Gruyer pour l'information routière, toujours dans l'ouest, Yves. Oui, absolument, toujours dans l'ouest. Attention, il pleut à verser des trompes d'eau sur le sud en ce moment. Saint-Louis, Saint-Pierre, visibilité très réduite. Attention à votre conduite, circulation compliquée pour traverser Saint-Louis. Alors pour le moment, les bazardiers, les pauvres, donc subissent du mauvais temps. Donc avec cette braderie qui se déroule depuis la fin de la semaine dernière et jusqu'à dimanche. Une circulation donc pas facile pour descendre des hauts, traverser l'agglomération, rejoindre la nationale. Alors le matin dans le sens descendant, bien sûr, et l'après-midi dans le sens inverse. On a pu le constater encore hier. Et donc avec ce mauvais temps, ça n'arrange pas les choses. Alors attention, et grosse pluie, hein, donc réduisez et redoublez de prudence, vous qui circulez sur cette partie sud de l'île en ce moment. Alors je parlais tout à l'heure du Grand Boucan, c'est bien le 19, hein, donc vous avez bien compris, dimanche prochain, le 19 pour la fête des Pères, mais surtout le Grand Boucan, avec donc la en service du parking donc qui se situe sur les voies côté mer qui sont fermées à la circulation à la sortie sud de Saint-Gilles. Ah, donc c'est pas encore pour ce week-end. Par contre, il y aura les foulées de Boucan, ça c'est pour ce week-end, notamment samedi soir au niveau de Saint-Gilles-les-Bains avec beaucoup de participants très certainement. Alors, en ce qui concerne le trafic, toujours sous la tranchée couverte en haut du viaduc, pas de changement et donc pas d'augmentation supplémentaire donc des embouteillages. jusqu'à quasiment Cambrai. Par contre, ça reste très très dense. Et puis sur la route du littoral, sortie du tunnel du Cap Bernard, avec un petit peu de monde vers la ravine des Chèvres. Hein, donc la circulation est dense, bien sûr, en arrivant de Sainte-Suzanne et jusqu'au plateau de la Mare. L'entrée est elle-même est encore plutôt roulante. Prudence dans le sud avec la pluie. C'était les inforoutes pour des trajets en toute confiance avec Honda Moto. Première. Canette. Gariguette. Bicyclette. Banquette. Basket. Diabète. Vérifiez où vous en êtes. Du 3 au 10 juin, à l'occasion de la Semaine nationale de prévention du diabète, faites le test sur www.contrelediabete.fr. J'ai toujours adoré la mode. Plus jeune, je faisais déjà des vêtements à mes poupées. En grandissant, j'ai gardé ce rêve de travailler dans la mode. Alors, comme je ne trouvais pas de travail, j'ai décidé de réaliser mon projet grâce au tremplin pour l'activité des jeunes. J'ai monté un dossier, il a été accepté et avec l'accompagnement du département, j'ai pu lancer mon atelier de couture. Alors, vous aussi réalisez vos rêves avec le tremplin pour l'activité des jeunes. Avec le département, enclenche ta motivation, déclenche ta vie en appelant dès maintenant le numéro vert 0800 1 801 000 ou en te renseignant sur le site cg974. Le nouveau musée Stella Matutina fête ses 1 an le 12 juin de 9h30 à 17h30. Au programme, visite du musée, dégustation de jus de canne et de produits locaux, balade en charrette bœuf, atelier ludique et pédagogique, visite commentée du jardin et photos souvenirs. Venez nombreux découvrir ou redécouvrir le nouveau musée Stella Matutina à l'occasion de son premier anniversaire le 12 juin. Pour cette occasion exceptionnelle, l'entrée sera gratuite. Retrouvez le programme complet sur www.museereunion.re. Réunion des musées régionaux. Nos musées méritent qu'on s'y attache. Allô chérie, j'ai essayé de te joindre, c'était occupé. J'étais en ligne avec Sophia. Avec Sophia ? Et c'est qui celle-là ? C'est un service gratuit de l'assurance maladie qui m'aide à mieux vivre avec mon diabète. Un infirmier me conseille sur mon activité physique, mon alimentation et les examens de suivi. En discutant avec lui, j'ai décidé de reprendre le vélo. Merci Sophia. Ôté, allons bouger ensemble. Pour en savoir plus et savoir si vous pouvez bénéficier de l'accompagnement gratuit Sophia, appelez le 0809 109 974. L'assurance maladie. Service gratuit plus prix appel. Destiné aux diabétiques du régime général de l'assurance maladie, sous certaines conditions. Première. Dans 3 minutes, les pronostics de Pascal Maillot. Avant cela, on s'intéresse à la presse écrite avec Cécile Thomas. Et on commence avec Thierry Robert en une du journal de Lille. La carrière de Bois Blanc et le référendum à haut risque lancé par le maire de Saint-Leu. Si le non l'emporte dimanche à Saint-Leu, Thierry Robert espère bloquer le chantier de la nouvelle route du littoral, écrit le GIR. Autre titre, bagarre à la prison de Domingueau, les surveillants sous le choc. Présidence du MEDEF, 2 candidats dans un fauteuil. Et puis Euro 2016, J-2, Gignac se voit en champion, la fièvre bleue gagne la France. Une autre carrière pour le chantier de la route, la nouvelle route du littoral en une du quotidien. Ça se passe dans l'Est, une carrière pour Virapoulet, titre le journal. Inquiétude des riverains à Brapanon, 120 camions par jour devraient circuler sur le site près de l'échangeur de Pagnandi. Deux agriculteurs n'exploiteront plus les terres de Jean-Paul Virapoulet, les cannes laisseront place à une carrière. Autre titre, à la Bretagne, il met le feu à la chambre de son ex. Agression sexuelle à Sainte-Marie, condamné à 5 ans. Avant son procès aux assises. Éducation, trop facile le bac, demande le journal. Volcan, réouverture des sentiers. Et puis cuisine, les recettes marmailles de Brigitte Grondin. Dans la presse nationale, le successeur de Laurent Blanc, une d'aujourd'hui en France. Le PSG a ciblé le successeur de Blanc, titre le journal. Décidé à s'en séparer, les dirigeants parisiens négocient avec Unai Emery, le stratège espagnol qui vient de remporter 3 Ligue Europa d'affilée à la tête du FC Séville. Autre titre, prêts immobiliers, profit de l'aubaine, proche de 1%, les taux d'intérêt n'ont jamais été aussi bas. Une chance à saisir pour les emprunteurs. La sécurité autour des stades de l'Euro en une du Figaro. L'Euro sous très haute tension, écrit le Figaro à 2 jours du début du 3e événement sportif planétaire en France. La menace terroriste plane. 77 000 policiers et gendarmes mobilisés, épaulés par 130 spécialistes étrangers et des milliers d'agents de sécurité privée se préparent aussi à faire face au risque d'hooliganisme. Autre titre, SNCF, la réforme est enterrée, mais la grève continue à 3 jours de l'Euro de football. Les syndicats ont décidé la poursuite du mouvement hier, malgré l'abandon par le gouvernement de la réforme des conditions de travail des cheminots. C'est assez insolite, Zlatan Ibrahimovic en une du journal Le Monde. Oui. avec cette phrase du footballeur. Écoutez bien, Jackie, je peux rendre populaire Hollande si je veux. François Hollande n'a pas eu la chance de me rencontrer, assure Zlatan Ibrahimovic dans un entretien. Il parle des attentats, du dopage, de Mohamed Ali, de son catogan, de sa mère, du Nobel. Le seul prix que je n'ai pas encore gagné, dit le Suédois. Il n'y aura toujours qu'un seul Zlatan, confirme le footballeur qui se voit normal, simple et discret, normal comme François Hollande. Alors, autre titre, une sortie de crise s'esquisse à la SNCF après 7 jours de grève. Le Premier ministre israélien en une de Libération. Netanyahou rattrapé par le casse du siècle, titre Libé. French Connection, le Premier ministre israélien nie avoir reçu des sommes importantes du sulfureux Arnaud Mimran, jugé à Paris dans une énorme affaire d'arnaque à la taxe carbone. Son opinion publique demande des comptes. Autre titre, le plan culture de Sarkozy, de l'identité nationale à l'identité culturelle, le quasi-candidat à la primaire à droite, en appelle désormais à l'art pour montrer le communautarisme, pour contrer le communautarisme, pardon. Il doit prononcer ce mercredi soir un discours dont son entourage assure qu'il sera très important. Et puis, Euro J-2, des indiques et des vestiaires. En vestiaire, justement, Didier Deschamps très bientôt en une de l'équipe. Oui, à 2 jours de l'Euro, l'entraîneur des Bleus confie « J'ai confiance en eux ». Football toujours, Laurent Blanc au PSG, ça sent la fin. Et puis en athlétisme, la grosse perf de Vico. Les titres de la presse écrite locale et nationale avec Cécile Thomas sur la première. À Meter Piste, voici l'arrivée du quintet, le 3, le 4, le 13, le 14 et le 8. Il y avait un non partant, le 9 était non partant. Donc l'arrivée du quintet, le 3, le 4, le 13, le 14 et le 8, non partant, le 9. Numéro plus, le 09, 64. Aujourd'hui, c'est l'hippodrome de Laval qui nous intéresse. Départ prévu à 15h47 pour cette course longue de 2850 mètres. C'est un attelé, hein, 18 partants. Montant de la tirelire, 4 900 000 euros. Et Pascal Maillot vous conseille le 14, le 7, le 2. La suite de son pronostic, le 18, le 3, le 4, le 5, le 6. Et en cas de non partant, misez sur le 17. Voici les favoris du fouineur, du gire. Le 14, le 18, le 6, le 5, le 2, le 3, le 7 et le 4. On fera un rappel de ces pronostics à 9h58 précisément ce matin. Et l'arrivée de cette course, vous l'aurez cet après-midi, juste après le journal de France Info dans le 15-18, juste après 16h donc. Bonjour Michael, je veux faire un jeu. Alors Nili, allons faire un jeu cette fois pour 2 places de ciné pour aller voir Warcraft, le commencement. Warcraft, le commencement, The Beginning à l'international. Un film de fantasy américain qui sort aujourd'hui dans les salles du réseau Morey Film. Il s'agit de l'adaptation cinématographique de la série de jeux vidéo Warcraft. Vous voulez aller le voir au multiplex Ciné Cambé de Saint-Paul, Ciné La Case Saint-Denis ou encore au Plaza à Saint-Louis. Vous composez maintenant le 99-2000. A tout de suite. Vous êtes perdus, car vos chefs sont aveugles. C'est aïe ça? C'est qui le chef là-bas? Le chef, le chef. Ma fille est sans moule. Jackie réveille la réunion. Aïe maman, il m'a dit, aïe maman, tu m'as fait ça. Jackie réveille. Ah, grand matin, c'est ça. Sur Réunion Première. Bah oui. Bah oui. Ah bon? Bah oui. Effectivement. Ah bah oui. Non, je ne suis pas sur le micro, je suis sur un téléphone parce que l'appareil ne marche pas bien. C'est un scandale. Ben. David Duport est avec nous, bonjour David. Bonjour Jackie. Oui bien. Ça va bien, merci. Alors on va aller voir ce film. Tu entends le matin comme ça? Hein? Ah oui. Mais ah la joie dans le poste. La joie dans le poste. David. Oui. 2 places pour aller voir Warcraft, le commencement dans les salles du réseau Morey Film. Pour le frère. Ah ben super, merci. Mais t'attends ça avec impatience encore le film, là, mais tu veux bien garder. Oh super, moi je suis content pour. Ouais. Lance un coup Radio Novella, là, le frère. Ben la bonne à Gougoute. Allez, parti. Précédemment, dans votre radio novella. T'es mort, t'es gaki, t'es singer. C'est dans la bonne humeur que notre bande de Dallons attendait patiemment d'être présentée au grand doyen des Marsadiens. Placé en quarantaine dans la chambre de désinfection, Gougoute Carpaï, Rakoto et Mamadou ne savent toujours pas pourquoi ils ont été emmenés sur cette planète située aux confins de la galaxie Mastusel. C'est au bout de 3 heures d'attente que la porte de la chambre s'ouvrit à nouveau. Ben pas trop tôt, hein. Levez-vous. Notre doyen est prêt à vous recevoir. Veuillez me suivre. Eh mais moi je commence vraiment à avoir faim, hein. Vous aviez dit qu'une personne allait emmener à manger. Personne n'est venu, hein. Ben moi, moi, les points, c'est moi, écoute la figure, le doyen, moi. Voilà deux petits mots pour Johnny, voilà. Je vous présente notre doyen. Hé, incroyable comment il ressemble, mais... Ah, comment il appelle encore, et Capaille, comment vous appelez encore ça? T'es, casse pas avec moi, t'es. Ou la casse, moi, parce que c'est chien. Ben, allez, crève, alors. Ce n'est pas la peine de faire tout ce tapage. Ben, quoi, mais c'est doyen. Ça, lis ça. Le casse, moi. C'est intolérable. Ben, tiens, lis donc. Non, mais c'est doyen, c'est lui qui a commencé. Il est la mode à moi. Pourquoi? Parce qu'elle est là, mettre manger le chien de mon morceau de pain. C'est une stupidité. Oui, mais elle lui a fait manger à moi le rat. Il a dit comme ça, c'était caritant. Ou il est ignorant, ou il est irresponsable. Eh oui, monsieur doyen, c'est vrai que Capaille est méchant. Mais Gougout, il a mis de l'huile de ricin dans le curry pour faire la malice. Et je pense que c'est pour faire encore mieux dans la préparation. Ah non, pas du tout. C'était plutôt pour faire la malice même. Et bon, bref. Et monsieur doyen, pourquoi on l'a fini à nous déchirer de planète? On a une décision à prendre. On va discuter. Oui, discuter, mais discuter de quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Très cher doyen. Laissez-moi leur expliquer. Il faut poser la question à tout le monde. Bien sûr, doyen. Mais êtes-vous vraiment sûr que nous pouvons leur faire confiance? Mais c'est pas un problème de confiance ou pas. T'es confiance, pourquoi? Qu'est-ce que ça pour dire cela? Écoutez-moi, humain. Notre cuisine manque de goût. Quelle cuisine manque de goût? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous te mangez? Affirmatif. Votre mission est d'apprendre à notre peuple la préparation du curry de œuf. Quoi? Du masalé cabri. Du omasa. Vous direz que je comprends mieux maintenant. Et du mabawa. Eh, monsieur, moi je suis franco ivoirien congolo-canadien. Quoi? Okay, attendez, quoi? Vous allez pouvoir nous comme ça, ça n'ira pas nous déchirer notre planète, la Terre, en bas là-bas. Amène à nous qui est là, pour demander à nous comment il fait cuire carré de chef. Affirmatif. Et dis-moi, écoute, est-ce que nous gagnons un affaire en essence? Non, c'est la condition. Condition? Ben, condition quoi? T'es capable, vous l'entendez ça, vous êtes d'accord? Quand ça a fait, jamais, il donne pas mon recette, cabri, ma salée. Sa recette, mon tonton Krishna, ça, il y a une de mon famille, il connaît l'autosance pour ta marraine. Et ben, moi, pareil. Moi, elle est peut-être vilain, mais moi, elle est pas couillon. Jamais m'y donne pas cette recette carrée de Jeff sans piment cabri. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ben tiens-nous, mais nous causera pas. Ben tiens les deux gougous, pour que ça les prend, les l'or. Tout l'ordre du monde qui durait depuis des siècles va être bouleversé. Le doyen de cette planète a-t-il raison? L'ordre du monde des Marsadiens risque-t-il d'être bouleversé? Gougout, Carpaï, Rakoto et Mamadou donneront-ils leurs secrets? Ou seront-ils décapité sur la place publique? Aïe. Vous le saurez dans le prochain épisode de Radio Novela. Radio Novela sur Réunion Première, tous les jours avant le journal de 7h, rediffusion ce matin à 10h20. Roulez tranquille en suivant l'inforoute avec Autorelais. Autorelais, drive cool. Et prudence, ce matin il pleut beaucoup dans le sud. Yves Gruyer nous le disait pour l'information routière. Yves Gruyer que nous allons rejoindre dans quelques secondes. Est-ce que Yves est avec nous? Non, Yves n'est pas là. Donc Yves Gruyer qui nous le disait que la visibilité était réduite des trompes d'eau en ce moment dans le sud. Donc à Saint-Louis, également à Saint-Pierre, soyez très prudents si vous êtes dans le secteur. Et bien sûr, vous composez le 99-2000. Si vous avez des informations routières à nous transmettre. Yves, vous êtes là? Oui, du côté de l'Ermitage, la circulation qui se fait attention avec ce début de chantier. Les ouvriers, ça y est, sont en place donc à la sortie de l'ancienne déviation de Saint-Gilles avant de rejoindre l'œil de bœuf pour la réalisation de ce giratoire. Je rappelle, attention, la vitesse est limitée à 50 km/h. Il y a des ouvriers, il y a des mouvements d'engins, donc même s'il n'y a pas vraiment... La seule contrainte, c'est de sortir de la rue Général de Gaulle, puisque vous êtes toujours dévié par la vue de Bourbon. La circulation avec un autre chantier un peu plus loin, mais qui lui se met en place un peu plus tard, donc de 7h30 à 8h30, il y a toujours un peu d'alternat. Et une déviation toujours effective, hein, de 8h30 jusqu'à 16h, dans le sens nord-sud, à partir du rond-point du Jardin d'Éden. Il y a toujours cette contrainte pour la réalisation de ces pistes cyclables, et puis de rectification, notamment de virages pour sécuriser les deux fameux virages à proximité de la station d'épuration de cette déviation de la Saline avant Bruy-Nickel, et qui sont à l'origine de souvent de pertes de contrôle ou de collision souvent, donc quand il pleut notamment. Alors il pleut pas là, ici, il pleut toujours dans le sud en ce moment, toujours averse, entre Saint-Louis-Saint-Pierre-le-Tampon, la 80 du Tampon, attention, vous êtes également bien arrosé, puis sur la partie sud de l'île, restez vigilants sur la route nationale 2, tout comme sur la N1 ou la route nationale 3, et circulation compliquée pour traverser Saint-Louis en ce moment. Toujours sous la tranchée couverte de Saint-Paul, pas de changement, entrée ouest, c'est la rentrée du tunnel, cette fois-ci du Cap Bernard. Il y a des ralentissements qui se font jusqu'au niveau du plateau de la Mare, après c'est roulant jusqu'à l'échangeur du Chaudron à l'entrée est de Saint-Denis. Bonne route avec Autorelais. Autorelais, drive cool. Vous êtes à la maison, dans votre voiture, prudence, dans le sud ou encore au travail. Bon courage en ce mercredi matin. Vous écoutez la première, il est 7h, passé d'une minute. Le journal de la rédaction est présenté par Florent Marot. Bonjour Florent. Bonjour Jackie, bonjour à tous. Ça y est, la planète foot est en ébullition. L'Euro démarre après-demain en France. 51 matchs, 24 équipes et un joueur à suivre, Dimitri Payet. Le Réunionnais est en forme et dans l'île, les supporters sont prêts à le suivre, maillot sur les épaules, devant la nouvelle télé. Reportage dans ce journal. Incendie hier soir à la Bretagne. Le premier étage d'une maison s'est embrasé. L'incendiaire présumé serait un jeune homme qui voulait se venger après une rupture. Son ex a été emmené à l'hôpital en état de choc. Se dirige-t-on vers un durcissement du mouvement des transporteurs? Ils sont de retour ce matin devant la centrale à béton Holcim pour dénoncer la suppression d'une vingtaine de camions et des contrats qui vont avec. Pour se faire entendre, ils pourraient bloquer la carrière centrale d'agrégat aujourd'hui. Il démarre dans une semaine exactement, en plein Euro de foot. 11 450 jeunes réunionnais passent cette année le baccalauréat. L'épreuve de philosophie est prévue le 15 juin. Et puis on parlera aussi de cette belle histoire, un origami pour la paix, un projet de Fabienne Janka, ému par une petite japonaise irradiée à Hiroshima. Réunion première, Florent Marot. C'est l'événement foot de cette année 2016 et il est à suivre sur les chaînes premières. L'Euro en France démarre après-demain, J-2. Les Bleus affronteront la Roumanie en match d'ouverture. Dimitri Payet pourrait être titulaire. Le Réunionnais est en forme, comme le reste de l'équipe. De nombreux Réunionnais voient d'ailleurs la France aller loin dans cette compétition et ils se sont équipés en conséquence. Illustration dans un magasin de sport à Saint-Pierre où s'est rendue Suzette Emma. Un vrai supporter, oui, à 100%. Le ton est donné. À moins de regarder les matchs avec lui, il ne faudra pas compter sur Samuel. Pendant l'Euro de foot, le jeune homme sera scotché. Devant ma télé, j'ai pas encore les moyens pour aller me payer un billet d'avion pour aller là-bas. C'est dommage. Et pour être dans l'ambiance, le jeune supporter des Bleus vient d'acheter... Le maillot de la France. Ça m'aide à être un vrai supporter et je serai dédié à l'équipe de France. Le maillot de foot est en tête des ventes dans cette grande enseigne d'articles de sport, mais assure Olivier, responsable du rayon. Les passionnés investissent aussi dans les accessoires. Tous les accessoires, donc le maquillage, les écharpes, les chapeaux, les perruques, les drapeaux, etc. Tous les sifflets, tout ce qui concerne l'Euro. Ça va avec le maillot. Hein. Pour regarder le match, on a mis son petit plus, sa perruque, son sifflet, puis voilà, on fait la fête. Un deuxième Olivier, lui, client du magasin, va aussi faire la fête, mais à Paris. Il s'équipera donc sur place. Vous allez regarder quel match ? Islande-Autriche et après un 8e de finale. Vous avez déjà les billets ? Oui, exactement. Oui. Normalement, c'est prévu qu'on ira au Champ de Mars supporter l'équipe de France sur les grands écrans. Et vous allez mettre le maillot ou pas ? J'ai pas le maillot justement, je regarde. Qu'est-ce que vous pensez acheter du coup ? Polo équipe de France, peut-être le maillot. Pas de petit drapeau ou perruque ? On a déjà. Et oui, un tel événement se prépare, les supporters, les vrais, sont prêts. Après également les joueurs de l'équipe de France, c'est le sélectionneur Didier Deschamps qui le dit. Après 2 ans de préparation, ils ont hâte de retrouver la compétition. Et pour Guillaume Waraud, les Bleus peuvent aller loin. L'ancien international qui joue en Suisse actuellement est en vacances dans l'île. Il attend beaucoup de Dimitri Payet, le Réunionnais qui espère jouer vendredi. Mais il est en concurrence avec Anthony Martial sur le côté gauche. Dimitri Payet. Je préfère qu'il ait ce problème-là. Ça voudrait dire que Toto ou moi, on est performant. Après, on est très proche dans la vie, donc on sait que ce soit l'un ou l'autre, on sera content pour lui et on fera le maximum si on est amené à faire appel à nous. Le Réunionnais Dimitri Payet interrogé par Massiré Correa, France-Roumanie, c'est donc ce vendredi à 23h en direct sur Mayotte Première, l'Euro de foot, une usine Afrique, selon François Fasquelle du Front de Gauche, le parti de Jean-Luc Mélenchon. Il est aujourd'hui l'invité de la matinale, ce sera juste après ce journal avec Philippe Dornier. Dans le reste de l'actualité, la police lance un appel à témoins. Elle recherche le conducteur de la voiture qui a pris la fuite hier après un grave accident sur le boulevard Sud. Cela s'est passé vers 4h20. Le véhicule aurait percuté un scooter dans le sens nord-sud. La circulation a dû être interrompue. Deux blessés gravement touchés dans cet accident. Si vous avez vu quelque chose, vous pouvez appeler le 02 62 90 75 25. Lui aussi est recherché par la police. Un jeune homme aurait mis le feu hier soir à une maison de la Bretagne. À Saint-Denis. Il aurait voulu se venger après une déception amoureuse. Il s'est alors rendu dans la chambre de son ex-copine avec de l'alcool à brûler avant de mettre le feu. Heureusement, pas de blessés, mais la jeune femme, choquée, a dû être évacuée vers le CHU. Il a été condamné à 5 ans de prison ferme. Cédric Kess a été reconnu coupable hier d'agression sexuelle. C'était le 11 janvier 2014 à Sainte-Marie. Ce soir-là, il a agressé une jeune femme qu'il avait invitée à boire un verre chez elle. Cédric Kess, qui n'en a pas fini avec la justice, il doit prochainement être jugé pour viol devant les assises. En attendant, il dort en prison. Direction la prison, justement à Domingo, où la tension n'est pas tout à fait retombée après la bagarre de ce lundi. 7 surveillants ont été blessés dans ce que les syndicats qualifient de guet-apens. L'intersyndicale FO-CGT-UFAP-UNSA Justice appelle d'ailleurs un rassemblement des surveillants demain devant le centre pénitentiaire. Des surveillants qui réclament plus de sécurité. Ils ont prévenu, ils ne lâcheront rien. Les transporteurs sont à nouveau mobilisés ce matin devant Holcim à Cambé et ils pourraient même durcir le mouvement aujourd'hui. Depuis hier, à l'appel de la FNTR, ces transporteurs dénoncent la suppression d'une vingtaine de camions sur la cinquantaine en rotation. Ce sont des emplois qui sont en jeu. Résultat, plusieurs chantiers sont aujourd'hui interrompus. Pierrick Robert, premier vice-président de la FNTR. Tous les chantiers liés au BTP et à l'utilisation de béton prêt à l'emploi ne sont pas livrés, les chantiers qui habituellement sont livrés par la société Holcim. Nous sommes des transporteurs indépendants, nous faisons une prestation de service pour la société Holcim, nous prenons du béton prêt à l'emploi à la centrale pour livrer les clients. C'est uniquement cela qui est interrompu. Ça peut être la livraison pour la construction d'un immeuble, ça peut être pour faire des chemins bétonnés. Voilà, tout type de livraison par rapport à l'utilisation du béton prêt à l'emploi. Pierrick Robert, premier vice-président de la FNTR, au micro réunion première de Delphine Poudroux. Les transporteurs reprochent à Holcim de ne pas respecter un accord signé pourtant l'an dernier. Pour l'instant, aucune rencontre n'est programmée. Les transporteurs pourraient ce matin bloquer la carrière centrale d'agrégat à Cambé. Toujours dans le bâtiment, la FRBTP va élire ce soir son président et le nouveau bureau. Bernard Siriex est a priori le seul candidat. Réunion première, 7h08, pas de chance, il tombe pendant l'euro. Le bac, c'est dans une semaine tout juste. Eh oui, l'épreuve de philosophie est prévue le 15 juin, dans une semaine exactement. 11 450 candidats passent l'examen cette année. En attendant, aujourd'hui et demain, place au BEP, le brevet d'études professionnelles, un diplôme intermédiaire qui n'est pas obligatoire. Ça commence à 10h ce matin. 70 centres d'examen sont prévus pour cette année. Mais il fallait aussi préparer les salles, envoyer les convocations et pour le bac pro, ce n'est pas une mince affaire. Les précisions de Valentine Camalon, proviseur du lycée professionnel de l'Horizon. Nous accueillons pratiquement dans la deuxième quinzaine de mai et durant tout le mois de juin des candidats libres sur des épreuves dites professionnelles dans des sections que nous avons telles que le carrelage, le gros œuvre. Là, toute la semaine dernière, nous avions des candidats libres qui venaient de centres extérieurs présenter des épreuves d'enseignement professionnel. Nous avons eu cette année dans la plomberie. Et ça, c'est une organisation à prévoir dans les lycées professionnels qui est assez lourde. J'ai dû installer déjà une première équipe depuis le 20 mai. Il y a un coût important lié à la tenue des examens en lycée professionnel. Quand vous avez des candidats qui viennent pour une épreuve, par exemple en carrelage, vous devez prévoir le matériel et la matière d'œuvre. Il y a tout un contrôle qui doit se faire au mois d'avril avant l'arrivée de ce candidat et être sûr que ce candidat, quand il va arriver, aura et la matière d'œuvre et tous les outils nécessaires pour préparer son épreuve. Valentine Camalon, proviseur du lycée professionnel de l'Horizon, interrogée par Nadine Bachelot. Les épreuves du BEP se terminent demain pour le bac général. Rendez-vous devant les sujets de philo la semaine prochaine. Dans tous les cas, n'oubliez pas votre